Des radios. Veillez et priez. Une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, ambisez nous, mon badilike. Oui, n'ayez et bibibio, oh, sonnibwe. Oh, sinamehegi, tchajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Oui, n'ayez et bibibio, oh, sonnibwe. Oh, sinamehegi, tchajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Que nous sommes dans tout ce que nous faisons, que je dois me rassurer que est-ce que ce que je fais glorifie le Père. Si ça ne glorifie pas le Père, ça veut dire que je dois revoir ma façon de faire. Il faut dire que lorsque nous nous rassemblons ici, rassurons-nous que tout ce que nous faisons, la gloire de ça revient au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Dieu et tout ça. Donc, frères et sœurs, je vais exhorter vraiment que nous nous prosternons afin de remercier le Père du fait qu'il nous a permis déjà de commencer et de pouvoir atteindre même cette place. Donc, remercions déjà le fait qu'il a permis que nous puissions nous lever, que nous puissions faire de ce commencement. Amen. Amen. Amen. Père, nous allons continuer à prier. Père, à ce moment, nous savions, tel que la Bible nous indique, nous savions que nous sommes à un moment où il y a tellement de faux. Prions le Père, en afin qu'il puisse nous donner chaque fois de nous cet esprit de gardien, que nous puissions demeurer dans la vérité. Amen. Que nous avons déjà tant consommé, qu'elle puisse prendre vie en nous. Que nous ne devenons pas des panneaux indicateurs, que cette parole puisse prendre vie en nous. Amen. Réveillons-nous. Tellement nombreux. Si quelqu'un venait à nous dire que non, vous êtes très peu, c'est faux. Lorsque notre père dans la foi, Abraham, était loin encore là-bas, le Seigneur a dit, ne te lamente pas, regarde le sable de la mer. Frère, si vous avez déjà vu quelqu'un apporter le sable qui est en bordure de la mer, s'il vous plaît, le frère comme ça vous dit qu'amenez cette personne, j'aimerais voir cette personne. Alors, si on dit qu'on n'a pas encore vu celui-là, on a compté le sable de Dieu, le sable de Dieu, frère, tout ce qu'on a fait, c'est de glorifier le Seigneur. Amen. Car nous sommes nombreux. Et lorsque nous regardons les choses comme ça, c'est où nous comprenons que les leçons que la Bible nous enseigne telles que ils avaient tout en commun. Parce que tant que nous ne pouvons pas comprendre le but pour lequel cette fraternité, cette communication entre les frères, entre les sœurs, ça veut dire que nous ne comprendrons jamais le message qu'ils avaient tout en commun. Parce que si déjà je ne peux pas arriver comme ça, mes frères, comment tu t'appelles? Comment est-ce que tu as passé ta journée? Ça permet à ce que je suis en train de dialoguer avec mon frère. lorsque, frères et sœurs, pendant que nous continuons, rassurez-vous que votre portable soit bien, soit silencieux. Amen. Alors, tel que j'étais en train de dire, c'est que lorsque je me tourne vers mon frère, j'ai dit à mon frère, comment était la journée? Comment tu as passé ta semaine? Si nous sommes déjà en bonne lame, en nous sommes presque en fin de la semaine. L'effet que j'ai des nouvelles de mon frère ou de ma soeur, ça me réjouit. Frère, sauf si ce n'est pas ton frère ou ta soeur. Parce qu'à l'instant tel que je vous dis, si on s'assemble ici, et que par la suite, on vous déclare, oh, comme vous voyez, il y a tel frère ou telle soeur qui est dans un problème. Ce n'est pas son problème seul. C'est notre problème, nous tous. C'est notre problème, nous tous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque je suis avec mon frère, je dois prendre le maximum. Je dois me rassurer que mon frère est dans la joie. Mon frère est dans la paix. Parce que si mon frère n'est pas dans la paix, quel est-ce que je peux faire pour pouvoir ramener mon frère dans la paix? Frère, je vous assure, les satanistes font ces choses-ci que nous. Ils font ces choses-ci que nous. Nous parlons du jeûne. Lorsque nous avions commencé le jeûne, je crois que tu entends les questions telles que c'est assez. On ne voit quelle heure. Le satanisme ne pose jamais ces questions. Tout ce qu'il peut demander, c'est la durée de son jeûne. Si on dit 40 jours à 7, il s'enferme dans une maison. Il avait tout. Il a cette communication avec son père là-bas. Mais parfois, nous qui avons cette grâce, oh père, de connaître la vérité. Nous avions cette difficulté. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des chrétiens totaux. Des chrétiens totaux. J'entends parfois d'autres qui disent que le Père a déjà tout fait. Pourquoi est-ce que je dois encore fragiliser ce corps-ci? Or, pourtant, Père, il le faut. Il le faut. Moi, je me rappelle encore du message que notre très cher frère Franchina a dit ici. Lorsqu'il nous expliquait, encore, il nous disait que si la Bible nous a révélé que nous sommes composés de l'esprit, la chair et de l'âme. Lorsque, pourquoi est-ce que aujourd'hui, lorsque je prie, je constate encore cette bagarre en moi. La bagarre est toujours en moi. Elle n'est pas surtout physique. Mais tu te rends compte que lorsqu'on s'assemble ici, comme je l'ai dit, lorsqu'on s'assemble, c'est pour devenir meilleur. C'est pour devenir meilleur, frère. Mais le meilleur là, ne peut se rassurer que quand je sors, ou quand je suis au travail, ou quand je suis à la maison, ou quand je suis dans la rue, en train de marcher. Ça, je vous dis, frère, parce que si, quand tu es à ce moment-là, c'est où tu vas passer à la phase pratique. Mais si tu constates que dans ta phase pratique, ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, je reviens sur le message de ce frère qui disait, moi qui ai encore cette bagarre, ça veut dire que ça peut t'amener à nous examiner. À m'examiner moi-même, que comment est-ce que moi je peux prétendre dire que je suis l'enfant du Seigneur Jésus-Christ, mais je bagarre encore avec cette chose-ci. Ce n'est pas une question que je vais dire que tu bagarres avec moi. Non, nous ne sommes pas là pour ces choses-là. Car nous reconnaissons une chose, c'est que nous avions un Père qui croit dans le secret. Et il nous a dit que lorsque vous êtes affligé, allez dans le secret, priez votre Père qui est dans le secret, vous écoutez. Nous avions des luttes tous les jours. Pourquoi est-ce que nous avions encore ces luttes? Hier soir, je disais encore que si nous n'avons pas encore fait cette cadette, ça veut dire que nous sommes des gourmands. Même dans la parole, il y a la gourmandise pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous expliquer. Imaginez, on vient s'asseoir. Un frère un peu désordé. Je prends les notes. Demain, je viens, je prends les notes. Après demain, je viens, je prends les notes. Après, ainsi de suite, on devient gourmand à un certain moment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir, d'examiner. Et est-ce que ce que le frère Donald a dit aujourd'hui, est-ce que quand je regarde ma vie, est-ce que ça reflète exactement ma vie? Ne devenons pas des panneaux éducateurs. Quand je parle de panneaux éducateurs, c'est-à-dire on te dit que tu dis que tu as des problèmes à tel niveau, mais il faut voir le vrai constant. Mais quand tu regardes la vie du vrai constant, ça ne suit pas ce qu'il t'explique. Et c'est ça le problème. sans oublier où nous sommes partis dès le départ, où je parlais de cette communion fraternelle, de cette politesse qui vient à dire que si nous avons encore cette bagarre dans nos membres, nous devons ranger et voir cet état d'esprit, comme disait notre frère ici, que si, est-ce que je suis en train de donner plus de force à ma chair? Est-ce que je donne plus de force à mon âme? Est-ce que je donne plus de force à l'esprit? On le veut ou pas? L'esprit est disposé. C'est nous qui bagarrons là, nous ne voulons pas suivre. Nous accordons tellement de plaisir à notre âme. Bon, c'est pas ce que nous devons faire. Mais il est temps. Il est temps. L'examen que nous devons faire en ce moment-ci ne doit pas se faire avec un bic bleu ni le crayon. C'est le bic rouge. Le moment d'être radical vient déjà pointer son nez à l'horizon. Nous sommes déjà en ce moment. Ou lorsque je me couille, je disais hier soir que nous parlons de l'amour, mais nous refusons de voir vraiment ce que l'amour peut faire. L'amour peut nous faire pleurer, nous tous ici. On regarde comme ça, on voit chacun en train de pleurer. Pardon. On dit, mais il pleure pourquoi? Parce que l'amour blesse. L'amour ne pardonne pas. Mais si nous voulons faire les choses par sentiment, frère, on va trouver 1000 ans, on va se retrouver à la même position. Chaque année, on va acheter les mêmes livres, les mêmes cahiers et venir s'asseoir sur le même banc. Le train va toujours partir. Et lorsque le dernier train va passer, on va dire, ouais, si je savais quoi, ce n'est pas ça. Donc le moment est venu pour être radical. Très, très radical. Il y a des choses même que lorsque le Père va nous révéler, on va dire, mais donc même ceci était encore comme ça, il y a des petites choses, de rien du tout, si on levait le chrétien, voilà, si ça avait été comme ça, le chrétien lui-même est parfois super. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans le monde, et nous vivons tous les jours avec le monde, mais nous devons avoir une position par rapport au monde. Arrêtons les langages tels que « moi je te dis ça parce que je suis chrétien ». Vous n'aviez pas besoin de dire que je te dis parce que je suis chrétien. Je pose la question à nous tous. Est-ce que la Bible nous rappelle que nos tontons, nos grands-frères, lorsqu'ils étaient en Antioche là, on a écouté, ils ont dit que non, c'est parce que nous sommes les chrétiens que nous agissons ici. Non. On les a observés, on s'est cachés, on les a regardés pendant le temps, on dit non. Ceci, c'est les chrétiens. Mais aujourd'hui, notre panneau indicateur, c'est qu'elle laisse le gars là. Il est toujours comme ça. Quand il voit déjà, il y a un peu la foule là, il va voir, mais viens voir ce qu'il fait. C'est ce qu'on dit de nous, non? Oui. C'est ce que la vie de tous les jours dit de nous faire. Reconnaissons cela. Tu veux passer ici, on te dit que la femme, si. Ah, laisse, peut-être c'est ta soeur là-bas. Si tu veux écouter le vrai bruit, viens ici. Quand la femme, si a dégénéré ici, il n'a rien pour l'arrêter. Voilà des panneaux indicateurs qu'on a venus. Ce qui n'est pas bien. Donc le moment est venu, frère, que lorsque je pars à la boutique spirituelle, pas la boutique physique, que quand je pars à la boutique, je dis, je veux le bic rouge. Je viens ici, je dis que, ok, le verset ci dit que quoi? Je vois ce que le verset me dit. Quand je rentre, je ne viens pas dire que, ok, comme j'ai écouté, il faudrait que moi. Le moment est venu d'être radical, mes chers frères. Si nous ne sommes pas radicaux, cette parole-ci ne prendra jamais vie. Elle ne prendra jamais vie. Lorsque nous rentrons dans le livre des Actes, regardons la façon dont nos grands frères nous parlent. Tout ce qu'ils avaient à faire, ils n'avaient qu'une seule direction. Il n'avait qu'une seule direction. Il regardait vers celui-là. Il suivait les instructions. Et après que l'Église soit née, quel était leur état d'être, quelle était leur conduite? C'était avec le bic rouge. Et tant que nous ne sommes pas encore à ce niveau, je vous dis que nous allons afficher le sentiment. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Vous savez, lorsque nous commençons à vivre la vie de Christ, vous arrivez, les gens causent comme ça. Quand vous arrivez, que vous le voulez ou pas, tout le monde se tait. Parce que souvent, on dit que celui-ci, c'est un gâteur. Je vous assure, comme il est venu là, il ne doit plus marcher. qui vient comme ça gâter. Parce que vous êtes quelqu'un de radical. Pas radical parce que vous partez chercher des problèmes. Pas radical parce que lorsque vous venez, c'est le commérage qui a commencé. Pas radical parce que quand ton mari te laisse ni pas au travail, ce que tu fais, c'est de passer le temps d'appuyer la télécommande, tu passes le temps au point, le riz se brûle là-bas, tu mets pas au courant. Ce n'est pas cela de radical. C'est radical dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce que mon Père me dit? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire encore aujourd'hui? Ne serons pas comme ça, frère. Le moment est venu pour nous. Je n'ai plus besoin qu'un frère me dise que on nous a tout donné. Moi, j'écoutais encore un enseignement là tout à l'heure où quelqu'un disait que je préfère mon époque que de préférer encore l'époque des pierres. J'explique, frère. Vous savez, lorsqu'on fait le théâtre, on dit que le frère Jules va jouer le rôle de celui qui court. En dehors de courir, si vous demandez au frère Jules, après avoir couru, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu me demandes, c'est moi qui ai écrit. C'est celui qui a écrit qui va nous dire. Il finit de courir, il s'arrête. Et c'était comme ça. Cette confusion-là, tout est... Donc, tu sais que non, on m'a dit, le Messie doit venir. Voilà, voilà, il doit... Tout, il y a toute une confusion totale. Mais est-ce qu'à notre époque, il y a encore cette confusion? Nous avions la Genèse. Nous avions les évangiles. Nous avions même comment est-ce que la fin va se passer. Ça veut dire que nous avions la totalité. La totalité. Il n'y a rien qui manque. Tout ce que nous avions à faire, c'est de nous rassurer que la chose a bien vie en nous. Si je ne peux pas me rassurer que la chose a bien vie en moi, je me retire. Je me mets à l'angle. Je prends ma vie. Je prends ma vie. Je prends le stylo. Je fais l'étude de ma vie. Sur tel plan, c'est comment je note. Frère, quand vous corrigez votre vie, c'est pour ça que j'ai dit que l'amour fait pleurer. Vous prenez, vous mettez par terre. Tu dis sur ce plan-ci. Tu corriges. Tu ne fais pas, tu ne dis pas ici, ça peut être à peu près. Frère, je vous assure, vous allez voir comment les choses vont changer. C'est la seule chose que nous avions à faire. Nous sommes à une époque où nous avions tout. Tout. Arrêtons ces choses de vouloir regarder la main du Seigneur Jésus-Christ de dire, j'attends une prophétie par rapport à ça. Tout ce que nous avions, nous laisserons cela. Mais est-ce que quand je laisserai cela, est-ce que j'ai cette possibilité d'arriver à la stature parfaite? Or, comment arriver à cette stature parfaite? C'est de me rassurer que ma vie reflète exactement ce qu'on me demande. Et comment savoir que ma vie reflète? C'est par le miroir de la parole. Que ceci ne se retrouve plus au milieu de vous. Ne parlez plus mal les uns des autres. Est-ce que ceci se retrouve encore au milieu de moi? Si j'ai encore ça, ça veut dire que ici, c'est zéro. La seule personne, je mesure bien mes mots, la seule personne que en lui ne se trouve pas les taches, vous savez ce qu'on appelle les taches au micron de la saleté, c'est le Seigneur Jésus-Christ, même dans la pensée. Or, lorsque tu prends celui-ci pour faire la comparaison, vous savez, dans la vie, quand vous voyez un homme travailler, il dit non. Dès que j'aurai un peu d'argent, je vais acheter le terrain. Il prend cet exemple de quelque part. Parce qu'il a vu que non, un homme qui n'est plus en train de louer, fait effectivement des économies. Tu n'as plus trop de bruit sur tes oreilles. À la fin du mois, qu'est-ce que je vais faire? Non, tu n'as plus ce bruit que le bailleur va déranger. Alors, ça veut dire, si, dans ce couloir-ci, quel est l'exemple parfait que nous devons prendre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une sœur. C'est le Seigneur. Je dis... Si, sur ce plan-ci, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Si c'était lui, quand je regarde dans l'Écriture, qu'est-ce que le Seigneur me dit ici? Prenons au pif comme ça. Un cas, on regarde. Je vais prendre le cas du mariage. Alors, sur le cas du mariage, le mariage parfait, lorsqu'on regarde comme ça, on dit, waouh, voici un mariage simple, un mariage qui est bon à vivre. C'est le Christ et l'Église. Le mariage, quand tu te tournes, tu regardes, tu dis waouh, voici ce qu'on demande. Ça, c'est que c'est l'Église. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que si on prend un sujet, on se tourne vers ça. Lorsqu'on regarde Christ et l'Église, est-ce que lorsqu'on regarde le Seigneur Jésus-Christ et l'Église, lui, en tant que l'homme qui est là, qui donne les ordres, est-ce que l'Église a droit à reprocher son époux qui est devant? Parce que lui, il est parfait. Est-ce qu'on se comprend? Vous pensez que l'Église a la possibilité de se tourner, dit à son époux que aujourd'hui, chérie, je suis fâché parce que ceci? Non. Vous pensez à ça? Alors, si quelqu'un a un point d'ambiguïté, vous lui dites que non, je pense que l'épouse peut poser une question ici pour dire que chérie, aujourd'hui, ça, montez-moi un seul. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. C'est le mari parfait qui a tout ce qu'un homme parfait doit faire. Prenez sur n'importe quel angle. Alors, je vous dis ceci, que frère Constant, lorsque tu veux prendre un exemple que tu dois suivre, pour ne pas tu veux tant de pères et mères, sur ce plan, tout est écrit. Tout est écrit. Nous avons cette parole dans notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a permis. Il a accordé sa grâce au Cameroun. Nous avions la Bible. Dans nos villes, nous avions celle qui est écrite, même parfois dans nos dialectes. Mais nous avions nos frères versés partout dans le monde entier. Il y a des pays où on t'attrape avec un verset biblique. Tu as des problèmes. C'est la prison, parfois même la pendaison. Mais nous posons-nous cette question. Si ici au Cameroun, j'ai ça, et je ne parviens pas à vivre ça, quel est le problème? Quel est le problème pour que je ne puisse pas vivre ce qui est là-dedans? Parce que parfois, nous faisons comme si, ah, bon, le Seigneur va comprendre. Nous avions constaté que c'est toujours lui qui comprend. Mais nous n'avons jamais cherché à comprendre le Seigneur. On dit toujours que le Seigneur comprendra. Pourquoi c'est toujours lui qui doit comprendre? Pourquoi nous autres, nous ne comprenons pas? Vous pensez que je peux aller en Kololo acheter une chaussure qui me sert? Il faut que je cherche la chaussure qui me suffit parfaitement. Alors, vous sortez que aujourd'hui, nous avions encore cette problème en nous. C'est des questions que nous devons nous poser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que regardons lorsque nous mangeons. Si tous les jours je dois manger sans jamais m'arrêter pour dire que mais finalement qu'est-ce que je mange, c'est un problème. Nous avions pris aujourd'hui même cette affaire de dire que non, il est bon de nous réunir. On comprend que non, le fait qu'aujourd'hui j'ai compris la vérité, bon, c'est vrai, si je m'en vais rester là-bas avec ceux-ci, je vais me distraire, ça m'aide à rien, je préfère aller à l'assemblée. Lorsque je pars à l'assemblée, je partage avec des frères. Arrête ça, Josué. Lorsque je pars avec des frères, est-ce que ce que j'ai pris, ok, comme là-bas, c'était le temps pour nous de pouvoir manger, est-ce que maintenant que je suis rentré, j'ai médité? Non, on dépose, on dit bon, je vais méditer ça peut-être après. Mais nous sommes les premiers à régler le réveil à 4h, 5h parce qu'on veut prier à nos occupations. Est-ce qu'après nos occupations, après nous prenons, nous lisons ça comme une lettre, frère, que cela s'arrête dans notre vie? Le Seigneur nous interpelle. Nous sommes en train de passer un moment très très délicat. Très très délicat. Dans tous les aspects de la vie que nous avions autour de nous, le Seigneur nous interpelle. Dans tous les aspects de notre vie, le Seigneur nous interpelle. Il a dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Quand je constate que j'ai déjà tellement bataillé avec ce sujet-ci, j'appelle mon frère William. William, voici un truc qui m'a déjà tellement tenaillé. Soutiens-moi, frère, dans ce jeûne, afin que le Père puisse enlever ça en moi. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, frère. Il suffisait que tu ouvres une bière derrière ce musée. J'ai déjà bu que toi. Donc, toi, tu as en main comme ça la main, tu ne vois pas, mais j'ai déjà tout bu. Mais posons-nous la question, comment le même qui écoutait seulement avait déjà bu aujourd'hui, écoute, si tu ne fais pas attention, il risque d'aller à l'hôpital à cause de vomir. Comment est-ce que ce désir est parti? C'est le fait de reconnaître que cette saleté-ci m'a tellement éloigné de mon père. Cette saleté-ci m'a tellement éloigné. Regarde l'amour dans lequel je me trouvais. Alors, si tu ne peux pas reconnaître ton état d'être, parce que nous faisons parfois comme quelqu'un qui fait comme ça, dit bon, ça va, on va me comprendre. Et sinon, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. C'est de reconnaître mon état d'être. m'assois, dis ma vie à moi, Père, tous les jours je te cherche. Mais est-ce qu'aujourd'hui je suis digne d'être appelé ton enfant? Est-ce que je suis digne de suivre tes pas? Nous sommes arrivés à un cas aujourd'hui où même quand on arrive à quelque part, parfois on a même peur de tenir même notre Bible en main. Mais si c'est pour montrer que j'ai le dernier cri iPhone, on arrête et on s'arrange sur tout que tout le monde doit voir ça. Non, ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas de la publicité que nous faisons. Mais soyons dignes de notre Père. Que lorsque je regarde autour de moi, je dis que malgré mes faiblesses, je tends vers ce qui est parfait. Pas que malgré mes faiblesses, je suis toujours à la même position, en train de marquer les mêmes pas, comme l'enfant de la maternelle. Ça ne nous aidera en rien. Alors, ce qui va s'installer après en nous, c'est le laxisme. On ne va pas bouger. Ça ne nous aidera en rien. En rien. Donc, ce que nous avions à faire, c'est que chacun doit se poser cette question. Chacun doit s'asseoir, examiner sa vie, et regarder que, est-ce que dans ma vie, qu'est-ce qui cloche? Et l'autre chose que j'oubliais de marquer, c'est que, asseyons-nous parfois, lorsque nous voulons commencer à regarder le miroir de notre vie, le conseil que je donne, ne prenons pas le miroir de notre vie au milieu. Prenons le miroir de notre vie dès la base. Il y a des choses que nous tirons aujourd'hui. Lorsque nous venons pour résoudre ce problème, nous voulons couper ça au milieu. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller au champ, vous voyez, quand on veut couper la banane plantain, on vient, on coupe ça, s'incline et on coupe. Ne résolvons pas nos problèmes ici. Allons à la racine. Parce que lorsque nous allons à la racine, c'est parfois où nous trouvons l'origine du problème. Tant que tu ne vas pas à la racine, tu ne trouveras pas l'origine du problème. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Parce que nous prenons souvent des choses de façon superficielle. Je vais prendre un cas. Prenons le cas du roi Salomon lorsqu'il a failli résoudre ce problème. Il n'a pas dit, bon, comme vous avez discuté, voilà, il a pris le temps de demander qu'est-ce qui ne va pas. Et l'histoire nous dit que ces deux femmes, elles avaient justement accouché. C'est parce que l'histoire nous dit. C'est ce que l'histoire est en train de nous dire. Elles avaient effectivement accouché. Mais si on venait de façon superficielle, elle a dit que non. Voilà, elles sont en train de se disputer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Se doit de donner? Non. Lorsque nous rentrons à la source, même la sagesse nous accompagne, frère. Même la sagesse nous accompagne dans ce que nous faisons. Or, ce que nous avions l'habitude de faire, c'est de tourner à l'autre. On refuse de voir le vrai problème. Évitons les mots tels que « ça va aller ». Ça va aller. Rassurons-nous qu'avant de dire que ça va aller, on a touché la racine du problème. La racine du problème. Tant que je n'ai pas touché la racine du problème, ça veut dire que jusqu'ici, il y a encore un problème. Et s'il y a encore un problème, il faut résoudre ce problème. Il faut s'en débarrasser. Tant qu'on ne peut pas s'en débarrasser, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème dans notre vie. Nous tirons des bagages tous les jours. Nous tirons des bagages tous les jours. Mais on ne parvient pas à avancer. Imaginez un véhicule. Moi, je préfère, comme je dis souvent, moi, je préfère qu'au lieu de prendre la parole, je prends de façon physique, superficielle, pour qu'on comprenne exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des choses que tout le monde ici parmi nous peut facilement comprendre. Vous voyez, lorsque vous avez un véhicule, la voiture a ce qu'on appelle les freins, ça a ce qu'on appelle les garnitures. C'est ça qui permet au véhicule de freiner. Et imaginons un véhicule qu'on a dit que non, cette voiture-ci ne peut porter qu'une seule tonne. Je vous assure que si dans cette voiture-là, vous mettez une tonne et demie, elle va avancer. Mais regardez comment est-ce qu'elle va avancer. C'est avec trop de peine. Elle va peiner. Elle va peiner. Mais par contre, pendant qu'elle peine comme ça, elle se bat à avancer. Mais la façon dont elle est en train d'avancer, elle s'abîme. Et c'est comme ça notre vie. Je prétends aller vers ce qui est la statue parfaite, mais je traîne encore des choses avec moi. Je traîne. Maintenant, lorsque je parle des freins, si vos freins sont en train de freiner, c'est-à-dire que ce n'est pas bien réglé, vous avancez avec la peine. Quand je parle, là, tu comprends, tu es mécanicien. Alors, lorsque le frein de la voiture n'est pas lâché, vous avancez avec la peine. Et c'est ça que je dis donc, lorsque je rentre dans ma vie chrétienne, je prétends servir le Seigneur. Je dois me poser la question, qu'est-ce que je suis encore en train de traîner avec moi? Hein, mon frère, qu'est-ce que je traîne avec moi? Il y a des gens aujourd'hui, quand tu dis que le culte des morts n'est plus pour nous, on dit, frère, ce que tu dis est vrai, mais est-ce que tout d'un coup, comme ça, on va aussi abandonner comme ça? Voilà des questions qu'on se pose. Est-ce que tout d'un coup, comme ça, on va aussi abandonner comme ça? Or, pourtant, lorsqu'il faut commettre le péché, on ne réfléchit pas ainsi. La première des choses, on commet d'abord le péché. Après, on dit non, il va comprendre. Non, arrêtons ce langage, frère. Ce n'est pas notre part. Ce qui est péché, nous devons dire que c'est le péché. Que ça, c'est le péché. Ne soyons pas des gens que quand on voit le péché, on cherche à vouloir couvrir le péché. Ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous empêche d'avancer. Tout le monde doit avancer, mais on va constater qu'on tire les pas, nous sommes sur place. Amen. Amen. Donc, frère, c'est une très bonne résolution de s'asseoir, dire, j'ai mangé. Mais est-ce que ce que je mange, est-ce une vitamine pour moi, ou est-ce une destruction pour moi? Parce que je vous assure, si nous prenons ça mal, ce que nous prenons va nous détruire si on analyse mal. Mais si j'analyse cela de la bonne manière, elle prendra vie en moi. Et si elle prend vie en moi, je n'ai plus à traîner en route. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir marcher aussi librement. Nous sommes à ce siècle-ci où on a tendance à croire que pour être quelqu'un dans la société, il faut avoir quelque chose. C'est faux. Si vous êtes pauvre, mettez vos genoux partout, dites à Dieu que merci, merci, 1 million de fois à Dieu. C'est une grâce d'être pauvre. C'est une grâce. Si vous ne le savez pas, c'est une grâce d'être pauvre. Vous voyez, ce ministre-là, j'explique, en parenthèse, vous voyez, on attend que quelqu'un a volé 15 milliards. Parce que parfois, à sa position du Dieu, moi, on se dit que tout le monde qui vient devant moi, je peux résoudre son problème. On met la main où il ne faut pas, parce que je veux avoir le titre. Or, lorsqu'on regarde celui-ci passer, on dit, un, il a le même t-shirt tous les jours, il a le même pantalon, malgré que tu t'arranges à ce que ce soit propre. Et je vais poser mon problème à celui-ci. Lui-même, il voit clair, pour que je m'en vais poser ma part. Le Seigneur Jésus-Christ fait ces choses-ci afin de t'éloigner des gens qui devraient t'empêcher de pouvoir cultiver ta foi. Il y a des gens qui viennent autour de nous, c'est tout simplement pour nous ramener en arrière. Donc c'est une grâce de savoir que oui, je suis pauvre, soyez content. Moi je suis content parce que je suis pauvre. Moi je suis très content. Mais aujourd'hui, nous pensons que l'effet que lorsque je lance un regard, je dis dans mon compte, j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, ça ne vous aide en rien. La meilleure banque que j'ai appris au Seigneur, la meilleure banque, écoutez-moi bien, que je connais et que j'ai le compte de ça, c'est de savoir donner en plus. Lorsque vous faites comme ça, les intérêts sont augmentés. Lorsque vous prenez, vous gardez, vous dites le moment venu, je vais réaliser. Si à 5 heures on vous appelle pour dire que cette banque a fermé, qu'allons-nous faire? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc ce que je tenais à nous dire, c'est que frère, ne mangeons pas seulement, mais arrêtons-nous pour dire qu'actuellement, il faudrait que je fasse le contrôle de tout ce que j'ai déjà mangé. Ça a pris vie en moi ou pas? Avec quoi est-ce que je bagarre? Qu'est-ce que je traîne encore sur mon dos? Lorsqu'on se pose ces jalons, soyons sincères envers nous-mêmes. Personne ici, je vous assure, personne ne viendra me dire que frère Constant, est-ce que ta vie est sincère avec Dieu? C'est même banal. Si tu ne peux pas t'asseoir toi-même, examiner ta propre vie, ça veut dire que ça ne sert à rien de nuire les autres pour dire, est-ce que tu as compris tel verset biblique? Est-ce que, parce que si tu ne poses pas cette question de savoir, est-ce que ceci a pris vie en moi? Qu'est-ce que je fais encore comme ça? Frère, ne viens pas empêcher les gens de faire grandir leur foi. Assois-toi, pose-toi la question parfaite. Seigneur Jésus-Christ, pourquoi je bagarre encore avec ceci? Lorsqu'on est encore en train de tirer des choses derrière nous, ce n'est pas bien. Nous allons contaminer. Nous allons contaminer les gens. Et si nous contaminons les gens, ce n'est pas bien. Malheur à l'homme par qui le péché est entré. Ce n'est pas bien. Rassurons-nous. Je ne dois pas faire quelque chose à mon frère dans le motif de dire que si demain je suis dans ce même problème, mon frère doit le faire. Si vous avez eu cette pensée, demandez pardon à Dieu. Je ne dois pas faire dans le motif. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour te réveiller ce matin? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Alors apprenons à reconnaître ses bienfaits. Parce que l'autre chose que nous allons faire, c'est que lorsque nous allons nous asseoir, tout ce que je regarde, c'est que est-ce que je vole? Est-ce que je fornique? Est-ce que je commets l'adultère? Il y a des fables, des petites choses que nous négligeons. Que ça commence par là. Frère, j'ai commencé par me poser la question, je dis, mais aujourd'hui nous fréquentons, on dit je vais être ingénieur. Je m'assois, je regarde à peine, je vois à peine la fourmi. Je dis, mais l'être s'il respire, ça a un cœur. Le Père a fait comment pour mettre le cœur dedans? Oh, il contrôle ça, à plus forte raison. Moi, quand vous mettez la fourmi, frère, est-ce que c'est comparable, frère? Donc imaginons, si le Dieu du ciel prend part de cette fourmi-là, à plus forte raison, toi qui es si grand comme ça, qui a été fait à son image. Donc, pour dire que, asseyons-nous, nous prenons le temps de contempler notre vie afin de corriger notre vie au big rouge. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci bien. Amen. Je passe la parole. Que le Seigneur te bénisse, frère Vincent. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as été constant dans ta voix, dans le ton, jusqu'à la fin. Je suis à votre service, dépose-moi tes pieds. Je suis à votre service. Vérifiez que les téléphones ne sont pas fermés. C'est pas fermé, non? Oh, ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Y a-t-il des questions? Si quelqu'un a des questions posées. T'as la question, frère? Ouais, j'aimerais savoir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ étant venu, est-ce que avant que sa mort n'ait lieu et qu'il soit ressuscité, est-ce que son nom pouvait déjà avoir de l'effet jusqu'à ce qu'on puisse chasser déjà les démons avec son nom? Oui. Est-ce que son nom pouvait être possible? Oui. Oui. En fait, je posais la question par rapport, je n'ai pas seulement voulu citer le verset. Mais c'est où tu as allé. Si tu t'étais, moi je vais te poser la question de consonance là. Si tu t'étais, te poser la question de consonance là. Oui, tu calmes. Tu t'es tué. Oui. Celui-là donc qui chasse les démons, comment savait-il qu'il devait chasser les démons au nom de Jésus? Bon, j'ai regardé ça et j'ai essayé de visiter avec un frère, on s'est rendu compte que ça lui a été donné par révélation. Donc, c'est vraiment dit qu'on ne chasse pas les démons n'importe comment. Ou bien, c'est pas seulement le cas de chasser les démons, c'est l'utilisation du nom du Seigneur Jésus-Christ. L'utilisation entière du nom du Seigneur, c'est pas accessible à tout le monde. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas un nom vulgaire. D'accord? J'espère que c'est ce que ça nous dit. On dit, vous pouvez dire au nom de Jésus-Christ, si vous avez des maux de tête, ça ne marche pas. Peut-être dire qu'à la mention de son nom, tout genou fléchira. Et tu mentions, ça ne donne pas. Parce que c'est sous condition. Vous suivez? Amen. La prononciation, je crois que j'en ai beaucoup parlé. La prononciation du nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une amulette. Je ne sais pas si vous comprenez. Les pentecôtistes utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant une amulette. Quand tu entends, ils hurlent comme ça, tu fais, oh, il dit Jesus. Par réflexe. Jésus. C'est la peur en réalité. C'est la peur qui fait faire cela. Parce que celui qui est confiant en Jésus, tu es caché avec Christ. Tu es calme dans les situations. Calme. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Amen. Donc, il ne s'agit pas de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ça te soit donné, que l'autorité de prononcer cela te soit accordée. Sinon, la preuve en est que nous prononçons, les situations sont toujours là. Donc, en fait, si vous continuez à prononcer sans avoir l'autorisation de prononcer, vous arriverez au carrefour de la frustration. Ou vous allez croire que ceci ne marche pas. Pourtant, ça, c'est la référence. Ça, c'est notre référence. Des questions? Oui, frère. dans Colossiens 1:15, oui, il dit que Jésus-Christ est le premier de la création de Dieu. Oui. Non, non, pas le, pas, pas le premier de la création de Dieu, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Lis. Peut-être tu as la version 8 secondes 21 de 2012. Oui, c'est ce, exactement ce qu'il en est. Lorsqu'il va lire ça, il va le faire aller dans un passage où vous allez voir ce qu'il a dit. Colossiens 1, verset 15. Écoutez, tu as entendu ce qu'il va dire là-dedans. Non, il va dire c'est parce que c'est là-bas qu'il y a un problème. Allons-y. Le Fils est l'image. Non, à haute voix, frère. Donc, le Fils est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute la création. De Dieu. Le premier-né de toute la création. Oui. Voilà. Donc, c'est pas le premier-né de toute la création de Dieu. Il y a un problème. Il y a une différence, d'accord? Okay. Maintenant, avant que tu me poses ta question, ouvre 1 Corinthiens 14 là-bas. Je veux que tu me dises quelle version tu tiens entre les mains. 8 secondes. 8 secondes quoi? Parce qu'il y a des différences. 8 secondes 21. 8 secondes 21 là-bas. Tu tiens quelle version frère? Quoi que les mains, hein? Bien sûr. 8 secondes. Quelle édition? Esaïe 55. Non, c'est quoi Esaïe 55? Oui, c'est une nouvelle. Non, ça va, vous allez me trouver. Frère Constantin, tu as quoi? C'est la version 1910. 1910, voilà. Donc, en majorité, vous avez 1910. Donc, ça, c'est révisé 21 maintenant. Donc, ça veut dire que c'est le 21e siècle. Écoutez tout attentivement. Vous avez ouvert respectivement 1 Corinthiens 14, dans ces deux versions, n'est-ce pas? En fait, vous avez 8 secondes. C'est 8 secondes. Mais je veux que vous écoutiez quelque chose. La dangerosité de tenter de changer la référence pour que ça fasse partie de notre référence sans rester dans la référence proprement dite. Quand vous allez lire ça, vous allez voir de quoi il est question. Il dit la dangerosité d'essayer de changer notre référence pour que ça fasse partie de nos références sans être la référence proprement dite. Maintenant, lis le verset 26. Quand il dit stop, tu stop, allons-y. Verset 26. À haute voix, frère, écoutez. Que fait donc, frère et soeur? Stop. Allons ici. Que fait donc, frère? Non, ça va. Allons-y encore. Lorsque vous relis encore, relis ce que tu veux dire. Que faites donc, frères et sœurs? Allons ici. Que faites donc, frère? Encore. Que faites donc, frères et sœurs? Allons ici. Que faites donc, frère? Vous voyez, ça c'est lui selon qui a écrit. On se pose la question. Qu'est-ce que sœur vient faire dans le second 21? Alors qu'initialement, il n'a pas écrit cela. Vous savez pourquoi? Allons-y, continuons ici. Lorsque vous vous réunissez. Écoutez tout attentivement. Chacun de vous peut apporter un cantique, oui. Un enseignement. Stop. Vous avez vu l'effet que ça fait là? Ça veut dire que quoi? Les femmes peuvent enseigner. Alors, au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Continue, verset 34. Le verset là n'est pas fini. Comme dans toutes les églises des saints, oui. Où femmes se taisent dans les assemblées, oui. Quand il ne leur est pas permis d'y parler. Continue. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison. Oui. Car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Vous avez dit vos femmes ici, c'est les femmes. Les femmes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc déjà même que, ça veut dire que cette transcription commence à se contredire en bas. Parce que là-bas, il a dit frères et sœurs. Si vous êtes réunis, quelqu'un peut apporter un cantique, un enseignement. Là en bas, il lui demande de s'éteindre. On va embrouiller notre référence comme ça. Pose maintenant ta question, mon cher. Qu'est-ce que tu voulais dire avec Colossiens chapitre 1, verset 15? Chaque fois qu'on avance, n'oubliez pas ça et restez vraiment calme. D'accord? Vraiment calme. Je voulais savoir si Dieu. Mon frère, comment tu t'appelles? Luc. Luc. Luc le médecin. Allons-y. Je voulais savoir si Dieu s'est créé lui-même. Voilà. Vous avez vu, c'est pour ça qu'il lui a dit il faut corriger ta question. Parce qu'il a dit que Colossiens 1, 15 dit que Jésus est le premier de toute la création de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles création de Dieu? Qu'est-ce que c'est pour ça de dire création de Dieu? Nous sommes par là, tout ce que nous connaissons, que Dieu a fait. Vous avez vu, non? Donc, c'est un terminologie ici. Bon, dans ce cas, on va aller dans la Bible, on va lire quelque chose, et puis on va aller, toi tu vas nous les expliquer ce que tu entends, d'accord? D'accord. Apocalypse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1. Vous y êtes. Chapitre 1 d'Apocalypse. Lisons, lis le verset dans ta verset, on ne sait jamais. Lis tout, lis le verset 17 chez toi et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort. Et voilà, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Dis-nous pourquoi, comment il est fait pour être le premier et le dernier. Comment quelqu'un peut être premier et dernier? Comment quelqu'un peut être. S'il y a des séries en classe, il y a un premier, il y a un dernier. Le premier peut être dernier, frère. Non. La seule condition pour que le premier soit dernier, c'est qu'il se soit seul en classe. N'est-ce pas? Hein? Parce que si tu es seul, tu comprends, tu n'as pas personne, tu n'as personne avec qui tu compétis. Et par conséquent, le premier de cette classe, il est premier en fonction de qui? Il est premier, il est seul. Donc le premier, c'est lui. Le dernier, c'est lui. Donc maintenant, on dit le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le premier et le dernier. En fait, c'est même pas, c'est lui-même qui dit qu'il est le premier et le dernier. Il est le premier, comment? Allons-y. Merci les dieux. Dans ce cas, comment tu peux dire maintenant que Dieu lui-même s'est créé? Allons-y dans le livre des Hébreux. On ne sait pas qui est Jésus là. C'est la pierre angulaire, c'est la pierre d'achoppement. Vous voyez, chapitre 1, on vous lisez, je vous pose une question. Je vous pose une question, vous levez la main pour répondre, d'accord? Il y a de lui, c'est vrai, les dabis ici qui sont trop forts. Chapitre 1, verset 5, lisons. Verset 5. Oui. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc on parle de qui ici dans ce verset 5? Donc on dit que le Seigneur Jésus-Christ est quoi? Le Fils, non? Le Fils. On dit qu'il a été engendré quand? Aujourd'hui. À quel moment il a été engendré? Comme le verset a dit, quand est-ce que Jésus a été engendré? Et nous parlons de là, nous avons une référence. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il été engendré? Moi, il parle mange la bouche. Quelle est sa résurrection? Tu poses la question ou tu réponds? Je suis pas sûr. C'est pour ça que tu poses la question en répondant, n'est-ce pas? Oui, oui, William, oui. Il est engendré le jour de sa résurrection. Comment tu sais ça? Parce que tu manges dans un plat, tu manges une autre table, n'est-ce pas? Ma capote, tu es là, parce que tu viens toujours. Pasteur, c'est pour ça. Comme il a dit. Il a dit ce que tu voulais dire. Si je ne sais pas qui touche le voisin, que Jésus a été engendré quand? Touche le voisin, c'est pas exactement comme ça. Si on dit que du suivant, non, tu touches souvent suivant, tu touches souvent. Tout ça, quand tu ne vas pas dire embrassement sur quelqu'un. Il dit qu'il ne connaît pas. C'est ça, vous devez les uns les autres. On nous aime comme ça, personne ne tourne sa tête comme ça. Tout le monde regarde ton voisin, salut. Salut, salut. Que Dieu n'est pas vous bénisse, d'accord? Santé ou à l'aise. Voilà. Donc le Seigneur a été engendré à la résurrection, n'est-ce pas? Hein? Amen. Bon. S'il a été engendré à la résurrection, là je te pose la question. Toi qui as répondu, que tu as répondu. Là-bas on a dit qu'il est le premier de toute la création. Et tu dis qu'il a été engendré à la résurrection. Explique-moi ça. Parce que si tu es le premier né de toute la création, ça veut dire que le premier, quand Dieu voulait dire que la terre soit que la lumière, avant qu'elle croit, c'est lui d'abord qu'on a d'abord créé. Et il est créé, puis il est engendré à la résurrection. Comment? On l'appelle même premier né des morts. Tu as entendu cette expression, qu'il est le premier né des afin d'être en tout premier. Fini d'abord, tu réponds comment il est premier né d'entre les morts. Il a été engendré à la résurrection, c'est ce que tu as dit. Dans ça, donc, qu'est-ce qu'on est en train d'appeler là-bas par premier? Premier-né de toute la création. Puisque avant la résurrection, il y avait la création depuis, non? C'est pas ça, frère. Dans ce cas, je ne parle pas de Colossiens 1, 15 que tu as dit. Avec notre Colossiens, notre Hébreu 1, c'est avec d'autres passages que je vais donner ici, le Père. En admettant que c'est pour te montrer qu'en fait, Colossiens 1 ne veut pas ne pas te dire ce que tu as de dire. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de la création tout entier. Quand Dieu voulait dire que la lumière soit, ce n'est pas donc les questions là-bas. Rentrons dans Colossiens, donc quand tu me regardes comme ça, on va maintenant lire, on va voir. On y va? Ok. Il est l'image du Dieu invisible. Virgule. Vous y êtes? Le pré. Colossiens chapitre 1. Le verset 15, c'est là où il a posé la question. Nous sommes en train d'aller. Écoutez très attentivement. Il est l'image du Dieu invisible. Vous avez ça de vous, chez vous, n'est-ce pas? Le premier-né de toute la création. Soulignez la création. C'est ça dont c'est la question. C'est ici dont c'est le problème. On peut y aller maintenant? Ok. Le passage qui va suivre en bas montre clairement qu'il n'est pas question de la création ici. Voilà, on va aller doucement. Il est l'image de Dieu invisible. On a parlé de qui ici? Donc, on peut aisément remplacer il par Saint-Jésus sans être troublé, n'est-ce pas? Donc, on va relire ce passage en remplaçant partout où ça le concerne par son nom pour qu'on puisse bien saisir. D'accord? Donc, je peux lire sans risque de me tromper en disant Jésus est l'image du Dieu invisible. Invisible, n'est-ce pas? Le premier né de toute la création. Car en Jésus, c'est ça nos frères, car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par Jésus. Non. On a dit que ce qui le concerne, on le remplace par son nom. Tout a été créé par Jésus. Et pour Jésus. Qui est le créateur? Jésus. Ça commence à créer un problème, n'est-ce pas? Ouvrez, gardez le doigt ici, on va y revenir. Ouvrez Proverbe au chapitre 8. On va aller juste au verset 22. Rapidement. Proverbe. Tous les témoins de Jéhovah connaissent ces versets, ce sont tous les premiers-nés. Mais nous sommes tous cette affaire des créations. C'est... Vous y êtes? Le verset 22, disons le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, oui, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Voilà. Vous avez vu? Il s'agit de qui ici? On parle de qui? Après, si ça vous dérange, vous allez au verset 1, vous lisez doucement. Vous allez voir que, on a déjà parlé, c'est la sagesse dont il est question. D'accord? Amen. Et vous voyez que cette sagesse va se tenir un jour que Salomon avait une partie. Ici, il y a plus grand que Salomon. Amen. Donc, il s'agit, c'est des fils ici qui en ont parlé. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Donc, il faut d'abord qu'on s'entende d'abord. C'est la personne qui en a parlé, c'est la personne du fils. Amen. On ne peut pas dire Jésus parce que ici, son nom Jésus n'a pas encore été révélé. Quand il va naître dans la chair, on va l'appeler Jésus. D'accord? Amen. La personne du premier né. Celui dont on a parlé ici, même premier né, c'est notre attribut dans notre dimension. Mais ici, la personne que nous connaissons comme Jésus, c'est d'elle qu'on a parlé ici, n'est-ce pas? Amen. Nous revisons encore cela. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Voilà. Donc, sur cette base, si vous lisez ainsi, ça suppose donc que la personne qui a dit dans la Genèse que la terre, que la lumière soit, c'est qui? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, frère? Amen. Vous avez moi? Hein? Amen. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. Donc, Elohim a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres partout sur la terre. Il dit que la lumière soit. Donc, la personne qui a été créée, là, c'est qui? Dieu. Dieu, c'est péjoratif. Il a un nom. Oui, l'Éternel. Bon, on comprend l'Éternel parce que l'Éternel le distingue, n'est-ce pas? Amen. Ok. Comme c'est l'Éternel qui a créé, ici, Cette personne s'est en train d'expliquer que l'Éternel a créé la première de ses œuvres. On sous-entend que avant qu'il ne crée toute autre chose, si on comprend tel que c'est écrit, on sous-entend qu'avant qu'il ne dise que la lumière soit, il a d'abord créé. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il y a un verset qui manque dans la Genèse. N'est-ce pas, frère? On ne peut parler. Oui. C'est ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a un verset qui manque. Bon, parce qu'on commence par au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. Celui-ci vient dire que l'Éternel l'a créé avant aucune de ses œuvres. Donc avant qu'il ne dise, au commencement, il créa les cieux et la terre. Avant de créer les cieux et la terre, il a d'abord créé. Nous sommes d'accord. Amen. Donc il y a un verset qui manque. Il y a Genèse 0, verset 1. Avant Genèse 1, 1. Si on admet que Proverbe 8, verset 22, 23 veut dire ce que c'est écrit là littéralement. Vous êtes d'accord avec ça maintenant? Bon, comment? Donc en réalité, Dieu a créé Jésus. Maintenant, soit il a créé le reste, maintenant on peut discuter maintenant, soit il a continué à créer par la suite, ou bien Jésus a créé le reste. Oui, mon cher. Je vais tirer. Oui. Quand vous dites qu'il y a Genèse 0, oui. Ça me pose beaucoup. Des problèmes, oui. Mm-hmm. Je ne sais pas comment je vais formuler ma question. En fait, c'est moi qui ai créé la question en toi. Oui. Mm-hmm. Et ça me trouble un peu. Oui. C'est-à-dire que quoi? Ceux qui ont. Le fait que la Bible. Moïse qui a appelé la Bible a été révélée. Oui. Ça n'a pas été révélé entièrement. Est-ce que ça, je l'ai dit, frère? Non. Tu vois que tout le monde a besoin de comprendre, sauf toi. Oui, j'arrive. Je ne comprends pas. Je sens d'arriver. Proverbe 28, 8, verset 22 nous dit, nous explique que quelqu'un vient d'expliquer que l'Éternel l'a créé. Avec le premier de toutes ses œuvres. Or, Genèse 1 marque le commencement de ses œuvres. Il a créé les cieux et la terre. On ne donne pas le renseignement dans Genèse, la création de cette personne-ci. Nous sommes d'accord, non? Il dit Genèse 1:1 commence par au commencement, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Cette personne se dit qu'avant qu'on crée ça, on l'avait d'abord créé. C'est pas ça, frère. Qui l'avait créé? Mais attends, dis-moi qui écrit là-bas, lis à son là-bas, lis, verset 22. Nous sommes à Proverbe, oui, 28, verset 22. Bienvenue, d'accord, mon frère. Merci. Bienvenue, courage. L'Éternel... C'est la première fois que tu viens ici. Oui. Tu es bienvenue. Donc, il faut que même si tes électrons tournent, il faut commencer à se stabiliser à l'état standard de l'électron, d'accord. Alors, l'Éternel m'a possédé dès oui. le commencement. Ah, donc tu as une autre version. Tu as la version quoi? 8 secondes. 8 secondes. Oui. Ça devient intéressant. Allons-y, dis-y. L'Éternel m'a possédé le commandement de Ça, c'est quoi? C'est allons-y, là-bas. C'est très bien. Lui, possédé. Et si c'est? L'Éternel me possédait. Allons-y, si ça, c'est quoi? L'Éternel m'a acquis son commandement. Ça, c'est encore une question, ça. C'est 1979. C'est fort. Allons-y, ici. Donc nous avons des 8 secondes qui nous créent des... C'est ça qui fera le jour ce soir. Allons ici. Tu as dit quoi, mon cher? L'Éternel m'a créé. Continue. L'Éternel m'a... Écoute, mon cher, écoute ici. L'Éternel m'a créé. À haute voix, non, mon cher. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Tu as entendu ce qu'il a dit? Donc cette personne, ça nous dit que l'Éternel a créé la première de ses œuvres. Et pose-moi tes pieds. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Cite-moi les œuvres de Dieu que tu peux connaître. Les œuvres qu'il a créées. Oui. Les cieux et la terre. Voilà, stop. Ça va, non? Donc, on veut pas. Parce que tu vois comme ça, c'est vrai. Les cieux et la terre, tu es dans Genèse 1:1. Donc, cette personne se dit qu'il a créé avant cela. C'est pour ça qu'il dit. Dans ce cas, si c'est vrai ce qu'il dit, alors il y a Genèse, un autre verset de la Genèse qui précède Genèse chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que tu en dis? La Bible n'est pas complète. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu en dis? C'est ça veut dire que selon ma façon à moi de comprendre, oui. La Bible n'est pas complète. Est-ce que c'est ce que j'en ai dit, frère? Non. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais à ce que tu démontres, je sais que je vois. Mm-hmm. Je suis en train de voir. Qui est d'accord que la Bible est complète? Moi, je suis d'accord. Que... Ah, mais même moi, je suis d'accord, ma mère, de vous en premier avant vous. Mais à ce que tu dis, oui. Ça me laisse comprendre que la Bible est complète. Donc, si on arrête la réunion ici ce soir, le frère m'a dit que les gars sont là. Le frère m'a dit que la Bible est complète. Est-ce que tu entends ce que je t'ai dit? C'est propos, mon convaincement me fait comprendre que la Bible est complète. Laissez ce frère-ci s'exprimer ce soir. Laisse garder le que tu avales beaucoup souvent. Le Seigneur va faire des choses pour nous aujourd'hui. Alors, dis-nous maintenant quel est le problème. Nous sommes d'accord que cette personne-ci a été créée avant les cieux et la terre. Sommes d'accord? Oui, selon ce que ça dit. Ok. Maintenant, est-ce que dans la Genèse, non, attends, on arrive, c'est justement là le problème. Vous savez que je vous ai amené dans 1 Corinthiens 14 aujourd'hui. Je vous ai fait lire dans les passages, vous avez vu qu'il y a un problème. N'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit, je crois que ça va faire qu'on va aller en consommant en retraite là-bas, dans une maison là-bas, on va prendre une seconde, on va éteindre tout le téléphone, on va passer ces temps à enlever ces choses-ci même pour un mois. Personne ne sait, on va dans les montagnes, on s'assoit, on se calme. On aura seulement à entendre les oiseaux à la rivière. On va parler de ces choses-ci. Lorsqu'on, je vous fais regarder cette version-ci, ces versets-ci et ces autres versets, ces mêmes versets, dans les mêmes traductions, les mêmes personnalités, vous voyez que ça varie et que ça, et ça crée problème. Il y a un problème derrière ce problème que ça crée. Le problème qui est sur la table, c'est qu'en réalité, ça sous-entend qu'il y a un verset qui manque dans la Bible pour compléter cela. Parce que s'il n'y a pas ce verset-ci dans le Proverbe chapitre 8, personne ne dérange, n'est-ce pas? Personne ne dérange. C'est sur ça que le témoignage va pour montrer, qui montre ses bases pour montrer que Jésus-Christ a été créé. Toi, maintenant, je pose la question. Jésus, notre Seigneur, a-t-il été créé? Le valeur, on dit là-bas, on l'a créé, la première. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Moi, je te dis maintenant que tu as le contenu de la Bible, parce que la Bible dit qu'elle a été créée. Mm-hmm. C'est pas ce qu'on a dit dans la Bible. Non, non, la Bible dit que l'Éternel m'a créé. Lis encore haute voix, peut-être que tu n'as pas bien suivi. L'Éternel m'a créé. Attends, Luc, le médecin lit. Allons-y, frère. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Continue. Avant. Oui, continue. Avant, ses œuvres les plus anciennes. Il continue en disant que même quand il traçait le cercle de la terre, je jouais autour de lui, il faisait ses délices. Il explique qu'il était de ses premiers temps. L'Éternel m'a possédé. Ok, maintenant, c'est là le problème. Donc là, il est un démoniaque. C'est un démoniaque là maintenant. Ça devient dangereux, encore grave. Qu'est-ce que tu en dis, frère? Parce que la Bible nous dit, la marque, quand Jésus est sorti de la terre de Guénazin, un monsieur qui était possédé, des esprits impurs sont venus. Il y a un problème, n'est-ce pas? Or, dans la Colossiens, nous avons dit, on a vu qu'il est le premier de toute la création. C'est la création qu'on arrive là. Maintenant, on dit que car en lui a été créé tout ce qui est visible et invisible, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, dans ce cas, il pose la question, qui est le créateur? Moi, quand je dis la Bible, le créateur, c'est Dieu. Ok, maintenant, Colossiens dit que qui a créé? L'Éternel. Non, il dit qu'on... Laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. D'accord? Colossiens 1, on a eu ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Verset 16 particulièrement. Verset 16 particulièrement. Oui, allons-y, livre. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Oui. Les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Pour lui. Lui l'a mis pour qui depuis la fin? Lui l'a mis pour Jésus. Ok, maintenant regarde-moi l'étudier. Si tu vois, je donne deux choses qui sont invisibles. Tu vois l'air. Est-ce que tu vois l'air? Non, je ne vois pas. Qui l'a créé donc? L'Éternel. Comment tu dis le verset là dit qui l'a créé? Verset 16 encore, allons-y. Car en lui ont été créés. En lui. Mm-hmm. Là c'est Jésus. Oui. Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Stop. Donc, les visibles et les invisibles ont été créés par qui? Non, comment tu passes encore la voix, frère? Par Jésus. Par Jésus. Regarde-moi encore, il te plaît, moi. Donc, l'air qui a créé. Jésus. L'eau qui a créé. Jésus. Les cieux, parce qu'on voit. Qui a créé? Jésus. Les anges qui a créé. Mais dans ce cas, qui en a dit dans Genèse 1, que la lumière soit? Oui, oui, attends, frère. Dans Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Oui. On dit, l'Éternel dit, faisons l'homme. Non, faisons non. Créons. Attends, on arrive là-bas. Alors, on va comprendre ce que ça dit. Mm-hmm. On est au niveau de la création. Qui, d'après toi, est en train de dire que la lumière soit? Qui en a dit? D'après dans Genèse 1. Genèse. Oui. Moi, c'est Dieu. Ça, c'est clair que c'est Dieu, parce qu'on dit que Elohim, non? Mais le Nouveau Testament, qui est la révélation de l'Ancien, nous explique que ce qui est visible et invisible, qui l'a fait? Jésus. Bon. Il y a eu deux créations. Non. Il y a eu deux mondes. Peut-être nous sommes dans le monde où c'est Jésus qui a créé. Nous ne comprenons même pas que c'est Dieu qui a créé. Alors, quel est le problème, donc, encore une fois, de plus ici? Ou mieux encore, je pose la question autrement. Quand Dieu disait que la lumière soit, où était Jésus? Bienvenue frère, bienvenue d'accord. Renvoie-moi. Comment? Où était Jésus? Il créait les choses en lui. Parce qu'on a dit qu'en lui ont été créés. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. On a dit en lui, on dit, remarque très bien que, on a dit en lui ont été créés. Tout ce qui est visible, remarque, mais c'est à l'intérieur de lui d'abord que ça a été créé. Avant de se manifester. Tu vois cela? Pour vous, Jean, chapitre 1. On va y aller encore doucement. Dieu à notre frère, bon arrivé. On va avancer parce qu'on arrive avec la création, d'accord? Il faut tourner tout autour de ceci avant d'avancer. Jean chapitre 1, vous connaissez ces versets-là, mais le vrai problème c'est que même là-bas, on l'appelle créateur, mais personne ne remarque. C'est lui-même qui va lire, avant qu'on revienne au niveau de création. Verset 1, allons-y. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. La parole là, c'est qui au juste? Il y a un verset qui fait que la parole, c'est Jésus. Ok, donc, non, c'est simple. Non. On connaît tout le monde. Dans ce cas, release là, là où il y a parole, tu vas remplacer par qui? Par Jésus. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc, tout ce qui concerne la parole, c'est qu'on dit qu'elle, désormais, c'est qu'elle se réfère à la parole. Donc, qui est parole? Qui est elle se réfère à la parole? On rappelle par qui? Jésus. Lisons ce passage en remplaçant partout qui concerne la parole par Jésus. Allons-y. Au commencement était Jésus. Ça devait régler le problème avec toutes les discussions. Alors, continuons seulement. Et Jésus était avec Dieu. Et là, et Dieu était. Et Jésus. Non. On va pas recommencer. Et Jésus était Dieu. Recommençons encore. Quand tu fais là les tu essaies de. Au commencement était Jésus. Hein. Et Jésus était avec Dieu. Oui. Et Jésus était Dieu. Stop. Donc en fait, si on parle au commencement, s'il y avait même deux qui étaient même en au commencement avant. Si. D'après ce verset, si on va même au commencement, qui était même avant le comment, avant le commencement, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc Dieu même vient quelque part à la suite. Hein, mon frère. Dieu est la deuxième personne. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Il dit, la Bible là dit au commencement était qui d'abord? C'est Jésus. Voilà. Continuons. Et Jésus était avec Dieu. Oui. Et Jésus était Dieu. Continuons maintenant. Et elle, comment? Elle était au. Non, on a dit que c'est elle. On a dit qu'elle s'est mise pour qui? Il faut que le frère lise ce qu'on saisisse, n'est-ce pas, frère? Amen. Là où tu peux remplacer, là où ça concerne la parole, remplace pas juste tout simplement, ça sera très bien. Jésus était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Vous voyez comment ça commence à être bizarre, n'est-ce pas? Mm-hmm. Continuons. En Jésus était la vie et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière là, c'est qui? Il s'est tenu à quelque part, il dit, je suis la lumière du monde. Non, même quand la lumière, remporte pas Jésus, continuons seulement. Allons-y, frère. Jésus était des hommes. Non. Vous dites la lumière. Ok, continue. Jésus des hommes. Jésus des hommes. Non. Jésus, lui dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. On va parler maintenant des gens, pour dire qu'il ne faut pas confondre les gens avec Jésus, n'est-ce pas? Mm-hmm. Quand on verset 9, lorsqu'on va dire qu'elle était la véritable lumière qui amena au monde, dans le monde éclaire tout homme, tu vas remplacer bien Jésus là-bas. Lisons l'épisode des gens avant d'avancer. Jean. Non, il dit, lisons l'épisode de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste dans notre. Non. Non, frère. Continue seulement. Il dit, là, on a introduit Jean-Baptiste au verset 6 là. Au verset 9, ça va encore changer de phase. Allons-y. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir. Il vint. Il vint pour servir. Pour servir. De témoin. De témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Non. Pour rendre témoignage à Jésus. Oui. Afin que toute création, toute par lui. Non, Jésus. Non, c'est juste cru. Oui. Non, c'est le verbe cru, mais par lui, oui. Par lui. il n'était pas lumière, mais il fut. Remplace la lumière, c'est pour quelqu'un. On remplace pas cela. Il n'était pas Jésus. Oui. Mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la à Jésus. Oui, continuons. C'était Jésus. Mm-hmm. C'était Jésus. Cet Jésus mm-hmm. était la vérité, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus était la véritable lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. D'accord. Mm-hmm. Venant dans le monde, elle est dans. Venant. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc tu remplaces elle par Jésus. Jésus était dans le monde et le monde a été fait par Jésus. Oui. Et le monde ne l'a point connu. Oui. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui. à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Stoppons donc jusqu'à ce présent-là. Regarde mon frère, jusqu'ici, depuis que tu dis avec Jésus, qu'est-ce que tu comprends là? Ce que je suis en train de comprendre, c'est que toute chose, c'est Jésus. Donc, jusqu'à ce qu'il t'a créé, nous sommes d'accord. Ça pose problème maintenant dans tes pensées, avec tout ce que tu as eu à absorber, n'est-ce pas? C'est mieux qu'on puisse ça maintenant. On est d'accord? On va mettre le macère. Mélanger avec le nourrit. On va plus obliger là maintenant. Ça pose problème. Parce qu'il y a créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La question, c'est qui parle, n'est-ce pas? Et il s'adresse aussi à qui? On va mettre cette question, il faut qu'il réponde cette question rapidement, et puis on revient, d'accord, pour passer ceci à plus profond. Alors écoutez tout attentivement maintenant. S'il parle, je veux pas du bruit là maintenant, je ne veux pas vous me perturber, d'accord? S'il parle, à tout moment, s'il y a, vous ne pouvez pas cette question de Dieu, levez tout simplement la main, après je recommence. Dieu a des attributs qu'il désire manifester. 1. Dieu est esprit. Dieu est l'esprit. Un des attributs principaux, c'est l'attribut des sauveurs. D'accord? C'est l'attribut principal même de Dieu. C'est l'attribut des sauveurs. Pour qu'il sauve, pour qu'on sauve quelqu'un, il faut que quelque chose soit égaré. Et tant que tu demeures sur ton envie, personne ne peut lutter. Alors il se crée un monde dans lequel il va manifester ses attributs avec les plans qu'il a préétablis clairement. La Bible déclare, si vous lisez votre Bible dans l'une des actes des apôtres, chapitre 4, lorsqu'on va l'appeler sur les apôtres, ils vont rentrer, dit au leur esprit. Vous savez, quand ils avaient prêché, qu'ils avaient délivré cet homme-là qui était paralytique au temple, dans Actes chapitre 3, on va, à l'issue de ça, on va les arrêter, les mettre en prison. Les anges vont les arrêter, on les enlever, aller prêcher dans le temple. Après, ils seront là pour prêcher encore. On va venir les prendre comme nom. On vous avait interdit de prêcher en ce nom-là. Il va, si vous avez rempli tout Jérusalem, vous voulez faire tomber la mort de cet homme-là sur nous. Ils vont demander maintenant par quelle autorité, par quelle vous avez fait ces choses. Ils ont commencé à dire, puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme, sachez que Jésus que vous avez crucifié, ils vont parler. Après, on va les fouetter, on va les laisser. À l'issue de ça, on a dit clairement au chapitre 14, verset 12, où ils disent, nous savons que, tout le monde connaît ces versets là. Les gens qui sont aguerris dans la Bible savent que, ils disent qu'il n'y a des saluts en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui te parle, par lequel on va te sauver. Verset 13 nous explique que quand le Sanhédrin vit l'assurance avec lequel il parlait, il est reconnu pour avoir été avec le Seigneur, sachant que ce sont les hommes des bas peuples sans instruction, n'est-ce pas? Maintenant, on va les tâtons qui font partie. Le verset 23 et suivant nous explique que l'apôtre Pierre va ouvrir la bouche avec les autres et prier. Il lui dit, Seigneur, écoute bien, c'est là où il va chuter. Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi les nations, discussion parmi les peuples? En effet, il dit, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate ont fait ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? On va vous séparer, il veut plus vieux maintenant. Alors, l'apôtre Pierre venait vous expliquer que Dieu avait arrêté d'avance, qu'il fallait que les hommes de la ville-là, les hommes de la loi, puissent arrêter Jésus-Christ pour faire cela. Donc, c'était prévu qu'il faut le faire, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? C'est l'attribut véritable du sauveur qu'il manifeste, parce que Jésus-Christ est le sauveur. Nous sommes d'accord? Maintenant, quel est le but de sauver les gens? Quand il sauve les gens, comment il les rend? Romains chapitre 8, le verset 28 dit, ce qu'il a, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi. Écoutez, vous avez entendu. Il les a prédestinés à être semblables. De répondre, à être semblables à l'image, afin que son fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà. Donc, Jésus commence à nous montrer. Notez Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques. Jacques, notez Jacques, parce qu'on va quitter ici, on va y aller. Je vais expliquer Colossiens chapitre 1. Je vais citer, il expliquait Colossiens chapitre 1, verset 15, dont tu as parlé. Vous êtes avec moi, hein? Il dit, notez Jacques chapitre 1, verset 18. Ok, maintenant, je dis, j'avance. Je sens de parler quand le verset vient, je vais les donner, parce qu'on va y arriver, pour que vous compreniez. Donc, écoutez très attentivement. Donc, dans le plan de Dieu, le Seigneur Jésus est la référence des fils qui va manifester sur la terre. Romains chapitre 8, verset 19 dit, la création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils. D'accord? La manifestation des fils. Ok. Donc, le Seigneur dans sa pensée, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans sa pensée, a voulu que les hommes soient comme le Seigneur Jésus. Il a mis le type, la référence. Donc, les fils qui seront comme Jésus. Donc, ces fils seront comme ça. C'est comme Jésus est le prototype. Un peu comme vous fabriquez la forme de la chaussure. Le moule. Et quand vous faites le ciment, vous mettez là, ça sort comme ça. On dit, afin qu'il soit le premier né d'entre plusieurs frères. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est en ce sens donc qu'il est le premier né d'un groupe. Et ce groupe-là est appelé donc la création. Regardez encore. Vous avez ouvert Colossiens chapitre 1. Vous avez ouvert Colossiens chapitre 1 là. Donc, c'est des ordres des questions. Donc, ceux qui sont, regarde bien, donc le Seigneur Jésus-Christ est les prémices des nés de nouveau, de ceux qui sont nés de nouveau. C'est ça dont on est en train de parler là-bas. Ok, remarquez encore bien. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. De toute la création. La nouvelle création, de ceux qui sont nés de nouveau. C'est le premier, donc c'est le prémice là-bas. C'est le premier. Il est ressuscité pour montrer effectivement que voici l'image qu'il voulait de ces créations-là. D'accord, mon cher? Donc, Colossiens chapitre 1, encore, regardez. Vous y êtes? Amen. Verset 17 maintenant. Il est mis pour Jésus. J'espère que tout le monde voit cela. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout, le premier. C'est grave. Maintenant, Colossiens chapitre 1. Jacques chapitre 1 que je vous ai donné tout à l'heure. Jacques. Regardez ce qu'il y a dit. Regardez. Il nous a engendrés. Attendez pour que les gens puissent retrouver cela. Écoutez. Il nous a engendré, virgule, selon? Non. Regardez encore. Il nous a. Verset 18. Il nous a engendré selon sa volonté. Oui. Par la parole de vérité. Stop. Il nous a engendré selon sa volonté. Donc c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Il vient de dire que Dieu, s'il veut, il fait naître de nouveau quelqu'un. C'est exactement ce que nous avons rencontré dans le livre des Jean, chapitre 1, que tu disais aujourd'hui. Que Jésus est venu chez les sélections de l'homme pour réussir, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir, elles ont donné le pouvoir, le privilège de devenir les enfants de Dieu, d'être appelés les enfants de Dieu. Lesquels sont le nom de la volonté de nom, ni de la volonté de la chair. Donc ce n'est pas par le fait que ta mère est chrétienne, que ça contamine, que tu deviens chrétien. Il dit que, mais des dieux. De la nouvelle naissance ne dépend d'aucun pasteur, d'aucun apôtre, d'aucune imposition de main, d'aucune récitation de prière. Amen. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Ça veut dire que si je dis que Seigneur, il te donne ma vie, j'écris mon nom dans la vie de visage, sois donc sûr que je n'ai même pas encore écrit. Alors maintenant, il dit ici qu'il nous a engendré quoi? Par la parole de la vérité. Selon son dessein, selon sa volonté, n'est-ce pas? Donc il veut, il fait naître de nouveau. Puis il dit, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte quoi? Les prémices de ces créatures. De ces créatures. Vous pensez avoir quelque chose? Donc, ce que le Seigneur engendre sont les prémices. C'est Jacques qui en a dit parce que c'était le premier chrétien. Il dit que Dieu les a engendrés afin qu'ils soient en quelque sorte, donc c'est un autre nom, c'est les prémices de sa créature, donc c'est le premier échantillon. Et ça, de ça quoi? Quand on dit ça, il n'y a pas de créature sur la terre. Oui, ça n'est pas. Mais quand on dit prémisse, ça se pense que c'est le premier fruit. C'est pas ce qui est en tête, en premier lieu. Ça est le vrai problème. Donc, quand c'est le premier, avant que Jacques ne soit là, il y avait de Moïse et autres, là-bas, Abraham avant. Mais il vient apparaître et c'est ce qui nous a engendré afin que nous soyons en quelque sorte les prémices. Pourtant, avant lui, il y a eu des êtres humains qui sont sur la terre. Donc, le vrai de ces créatures, c'est pas la création de la. On parle de la nouvelle création. Donc, la nouvelle création a commencé par les premiers apôtres lorsqu'ils ont été engendrés. D'accord. Et Jésus donc est le premier. Il est le premier. On dit afin qu'il soit en tout le premier. Il est donc le premier né d'entre les morts. Donc si on tue n'importe qui sur la terre, c'est le seul qui est d'abord. Il allait dans la mort et est revenu. Il est le premier. D'accord. Et maintenant ici on nous explique que quand il est engendré en premier, c'est l'extampie, c'est l'image, ou bien c'est l'exemple, ou bien l'échantillon des autres qui vont venir par la suite. Donc il est le premier donc de cette nouvelle création. C'est lui. Donc c'est une question. Exactement. Colossiens 1 est en train de dire. Verset 15, il est l'image de Dieu invisible, le premier né, si vous voulez, la nouvelle création, ou bien des bonnes et gays. Et ceux qui sont nés de nouveau, Jésus est le premier. C'est pour ça qu'il est à leur tête, il est leur chef. Amen. Amen. C'est compris, mon cher. Voilà, maintenant on revient maintenant sur créant l'homme à notre. Allons dans Genèse chapitre 1. Vous permettez qu'on puisse notre frère. Amen. Pour estiquer notre. J'ai compris. Allez vous coucher pour moi. Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Genèse chapitre 1. Mon cher, toi-même lis le verset 26. Souvenez-vous qu'il y a une situation qu'on a mise sur la tête, sur la table. On n'a pas encore résolu le problème de Proverbes chapitre 8, verset 22. Qui varie selon les livres secondes, selon 1979, 78 ou 81. Mon cher, on attend. Verset 26. Oui. Genèse 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon. Mm-hmm. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui. Selon notre ressemblance, oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, mm-hmm. sur tout. La terre et surtout les reptiles qui rentrent sur la terre. Oui. Bon, allons-y maintenant. Nous sommes, regarde-moi, c'est là que se trouve le problème, n'est-ce pas? Avant que tu me poses la question, à moins que je pose la question, tu me le rétorques. Qui parle ici dans ce verset? Et il s'adresse à qui? Dans la Bible, monsieur, on dit Dieu. Mm-hmm. Dieu dit, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui en lui parle. Et il lui dit ça au pluriel. Il dit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est ça, c'est la partie qui nous intéresse. La mission de l'homme ne nous intéresse pas. Quand on voit la mission de l'homme par rapport à la domination démoniaque, c'est une autre chose. Sur le volet, faisons l'homme à notre image qui nous intéresse. Il s'adresse à qui? Pourquoi il peut juger? Il faut qu'il sache vraiment qu'est-ce qui a causé le problème. D'accord, frère? Moi. Mm-hmm. Oui. Il s'adresse à Jésus et le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, si on s'arrête là-bas, ce que prouve-nous même dans toute la Bible, donc je laisse toute la Bible, la latitude, et nous démontrer que Genèse 1, 26 et 27, c'est Dieu qui a parlé au Fils et au Saint-Esprit. Tu as tout le temps. C'est-à-dire, n'est-ce pas, hein? D'après les enseignements que tu as reçus, ici, quand Dieu dit. Créons ou faisons à notre image selon notre ressemblance. C'est vrai que c'est le pluriel qu'il a dit. Il parle en pluriel, c'est écrit là en pluriel. N'est-ce pas? Il y a au moins deux personnes. Donc au moins il y a deux personnes. Donc il a dû parler au moins avec une personne. Et lui, tu dis, la présence que tu as reçue, c'est Dieu le Père, enfin, qui a dû parler avec Jésus et le Fils ou bien et le Saint-Esprit. Allons-y dans toute la Bible. Montre-nous. Je me saurais vraiment lui montrer parce que je ne suis pas très attardé sur ça. Voilà. Maintenant on va s'attarder là-dessus. Et être honnête avec la lecture. La première chose que cette lecture, si nous veut faire comprendre, c'est que Dieu parle au moins avec une personne. Sur cette base-là, maintenant, la personne à qui il en a parlé, on ne peut pas savoir à partir de ces versets-ci. C'est l'honnêteté veut qu'on dise comme ça. Donc, il n'y a aucune base pour dire c'est Dieu le Père qui parle au Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Parce que je dis ça, tu ne peux pas démontrer. Il n'est nulle part écrit que Dieu s'adressa à telle personne. N'est-ce pas? Amen. Il a seulement dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Le renseignement qui nous fait comprendre que Dieu parle au monde avec une personne. C'est simple, on s'arrête là-bas. Donc, on ne peut pas avancer sous peine d'être taxé d'hérétique, de dire que Dieu parle au Fils, au Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, frère. Tu n'es pas d'accord. Ok. Je ne suis pas d'accord pourquoi. Quand Jésus est en train de partir, oui. Il dit, je vais vous envoyer le Consolateur, oui. Qui est le Saint-Esprit. Oui. Hmm? Oui. Je sous-entends que ça veut dire qu'ils étaient trois. Oui, bon, non, je suis d'accord. Mm-hmm. Je suis encore d'accord là-bas. Ça, il dit qu'il veut t'envoyer le Consolateur. Mais il dit sur ce verset-ci, tu ne peux pas montrer à nulle part. Oui. Oui. C'est ça. Il veut qu'on a, c'est pour ça qu'il dit que, oui, oui, il veut qu'on annonce, on avance de façon honnête. Oui, donc honnêtement, si quelqu'un s'avance en disant que c'est Dieu qui a parlé à la Fils au Saint-Esprit, il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison, c'est vrai. Voilà. La question maintenant, c'est que il faut qu'on réponde vraiment à qui il a dit de parler. Et maintenant, pour montrer que ça ne peut pas être ça, il faut que j'avance toujours dans, je vais toujours dans la Genèse pour montrer qu'en réalité, ça ne peut pas être au Fils au Saint-Esprit. Si je montre cela, si je parviens à montrer que le verset-ci, ça ne peut pas être le Fils du Saint-Esprit, alors on va répondre dans la question en réalité, donc, de qui il est question. Je veux maintenant que vous me suivez avec attention. Vous suivez la façon dont je suis en train d'avancer. J'ai dit ceci, vous me suivez là, frère. Amen. J'ai dit Genèse 1, verset 26 et 27, nous donne seulement le renseignement que Dieu parle au moins avec une personne. C'est le renseignement. Maintenant, quelqu'un se lève et enseigne que c'est la Trinité, Sainte Trinité qui en a parlé, là, parce qu'en réalité, c'est la doctrine là-bas. Ici, c'est la Sainte Trinité qui tenait conseil. Nous sommes d'accord. Donc, c'est la doctrine fondamentale là-bas. Et que ici, c'est la Trinité qui a pris conseil pour essayer de former l'homme. N'est-ce pas? Alors, il dit, je vais démontrer d'abord que ça ne peut pas être la Trinité. Quand je parviens à démontrer, parce que d'abord, un, on a dit que c'est honnêtement, c'est Dieu parle au monde avec une personne. Mais dans la Bible, on peut voir qu'il ne s'agit pas de la Sainte Trinité. Donc, je vais montrer cela. Quand je vais montrer, non, on va maintenant répondre, arrêter. Dieu parle à qui? Parce que c'est dit, Dieu parle à telle personne, ce n'est pas la Sainte Trinité. Je vais lui démontrer, donc mieux, je montre que ça ne peut pas être ça déjà. On est d'accord? Amen. Ok. Maintenant, lorsque Dieu a fait l'homme, la Bible déclare que, lis le verset suivant. Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Stop. Le volet suivant commence à nous poser problème. Puisque tout à l'heure, il avait pris conseil avec les gens. Je suis maintenant dans la supposition que ce sont les trois qui sont les s'adressent aux deux autres, n'est-ce pas? Frère, regarde-moi bien. Tu t'appelles comment, frère? Michel. Selon celui qui est semblable à Dieu. C'est ça, non? Tu es comme Dieu, frère. Hein? Non. Attends, comment? Oui. Quand tu me disais, je n'ai pas bien suivi la question. Tu t'appelles comment, frère? Michel. Celui qui est semblable à Dieu. Pas la création, Dieu m'a créé par son image. Non, Michel, c'est celui qui est semblable à Dieu, oui ou non? Ce nom-là. Bon, on n'a pas. Je n'aime pas, je ne veux pas, je veux vraiment comprendre de quoi il s'agit. Okay, quand je dis Michel, c'est pas pour. C'est pas moi qui ai dit Michel, c'est toi qui as dit Michel. Oui, mon nom c'est Michel. Ok, tu n'es pas créé selon le. À l'image de Dieu. Donc, c'est celui qui est semblable à Dieu. Moi non, oui. Attends, pourquoi j'hésite? Pourquoi c'est cela? Je me dis peut-être quand tu dis Michel, c'est que le nom Michel signifie. Non, non, Michel signifie quoi, frère? Celui qui est semblable à Dieu. Celui qui est semblable à Dieu. C'est pas ça, hein? Tu sais pas ça, Michael, celui qui est semblable à l'Éternel. Non, je savais pas. Donc même ton nom, tu ne savais pas. Bon, ok. Donc, Michel, écoute bien, ça veut dire que tu es deux fois celui qui est semblable à Dieu. Donc, non seulement Michel, ça veut dire que celui qui est semblable à Dieu, même toi-même, sans que ton nom soit Michel. Tu as l'image de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Quelle partie de toi ressemble à Dieu? Donc, Dieu a un corps physique. Oui. Je pensais qu'il était esprit. J'ai un corps physique. Frère, doucement, on va aller. Il dit que c'est le purge. Jésus, se tenant devant la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, a dit Dieu est quoi? Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. En esprit, en vérité. Toi, tu es esprit, frère. Non, monsieur. Donc, tu ne ressembles pas à Dieu. Oui. Oui ou non, frère? Interrogation. Bon, on va puger notre frère, on va puger. En fait, même vous en allez puger, j'y arrive. Regarde bien. Nous sommes dans la Genèse et ça intéresse avec ton nom. Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est notre problème là-bas avec l'image. C'est ça qui fait que vous voyez les doctrines qui sont sorties des États-Unis en disant que l'homme est l'image de Dieu, que je vous ai un petit Dieu. Ça avance, c'est un peu dans l'église. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu en a dit ici. Maintenant, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Nous sommes dans la conversation entre lui et les personnes avec qui il parle. Si c'est la Sainte Trinité, il dit, je suis dans la supposition en disant, si c'est la Sainte Trinité, alors le verset suivant pose problème. Le verset suivant dit, on n'a pas dit que Dieu créa l'homme à leur image. C'est ça, non? Amen. N'est-ce pas? À son image. Ok. Donc, En supposant ces trois personnes, Dieu les a trompés dès le départ. Il les a dominés. Il les a dominés. Merci, frère Constant. Nous sommes d'abord. Je suis allé doucement. J'ai dit, le frère ci et l'autre frère ci, on s'assoit pour faire quelque chose. On dit, faisons cette chaise, que ça ressemble à telle chose. Tout le monde est d'accord. Quand il se tourne, il fait autre chose. Nous sommes d'accord, frère. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu peut faire ça, frère? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est caché là-bas. Nous sommes d'accord? Avançons donc, avant en déroulant. Je crois que cet enfant, il faut l'arrêter autrement parce qu'il a de la peine là. Les femmes. Mettez-le au lit, pardon. Va le mettre au lit là-bas. Voilà quelqu'un qui venait suivre la parole, il va prendre des lits. Défendre le continent pour eux aussi. Donc, frère Gildas, donc tu étais dehors, tu priais seulement que quelqu'un qui puisse t'asseoir. Alors, on est au livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 et 27, d'accord? Puis l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, s'il fait autre chose, ça ne ressemble pas à cela, il a un problème lui-même. Il a donc doublé. C'est un peu comme les gens qui partageaient voler. On dit, si tu voles, on va se partager, on va donner le gain 50-50, équitablement. Quand le gain est là, après la personne lui donne 25%, que c'est moi, il a pu courir là-bas dedans. Tiens, oui. Je faisais l'homme à notre image. Oui. Quand il disait que Dieu créa l'homme à son image. Oui. Je sentends que tous ces étaient les deux autres étaient à son image, lui. Ok, les deux autres, non. Lui était à son image. Et les autres, bon. Non, il n'y a pas de problème. Les autres étaient à son image. Nous sommes dans la supposition que, parce que c'est ce que tu as d'abord absorbé, qu'on y parle au Fils et au Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Ok. Donc, ça suppose que les deux autres étaient à leur image. Oui. Donc, Dieu a d'abord une identité. Même, donc, Dieu est identique au Fils et identique au Saint-Esprit. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que les trois sont de la même façon. Oui. Ok. Tu ressembles à qui parmi les trois? Je ressemble à les trois. Ça veut dire que tu es comme le Saint-Esprit. Oui. Montre-moi. Puisque, quand la. Tu as cité au passage, il dit le moment viendra où mes vrais adorateurs vont m'adorer en esprit. Oui. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, si je suis né de nouveau, je suis, comme dans, on a dit dans le Colossiens, oui. J'ai l'Esprit de Dieu. Bon, non, laisse le son en supposition de si. Tu es devant moi là maintenant. J'ai l'Esprit de Dieu. Oui, tu as l'Esprit de Dieu. Donc, oui. C'est quand tu as l'Esprit de Dieu que tu es comme le Saint-Esprit. Oui. L'homme qui est là-bas, dans la Genèse, avait-il l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit aussi? Oui. Donc, quand Dieu a créé, on avait le Saint-Esprit. La Bible nous a dit c'était l'image parfaite de Dieu. Amen. Je pose encore la question. Quand on voyait Adam, on voit le Saint-Esprit, c'était identique. Oui, c'était l'image. La Bible nous dit c'était l'image parfaite. Il n'y a pas de problème, j'arrive. Donc, ils avaient tous ces trois. Donc, s'ils rencontrent Dieu quelque part un jour, Dieu aura une tête comme toi avec les cheveux. Non, parce que les trois étaient identiques. Oui. Donc, le Saint-Esprit a la tête et les cheveux. Les trois étaient identiques. Oui. Au moins, Jésus, on a vu Jésus. Il a même mangé sur cette terre, s'il a le pied, il se lavait. Il avait cinq orteils du côté droit, cinq orteils du côté gauche. Le Saint-Esprit est aussi comme ça. Oui. Le Saint-Esprit a les cheveux. Oui. Dieu est aussi comme ça. Oui. Tu peux me montrer cela dans la Bible, le Saint-Esprit est ainsi. Oui. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi, a le pied, il est en toi, va. C'est ça, frère? Il est d'abord esprit. Comment il va entrer encore en esprit? Il est esprit. Il est esprit. Oui. Donc, si on voit la forme du Saint-Esprit, il a les cheveux. Avec les dents. Parce que tu es comme ça, frère. Je ne vis pas sur la base que tu as dit que les trois avaient la même image. Donc, comme Jésus est, c'est comme le Saint-Esprit est, c'est comme Dieu est. C'est ça, frère? C'est lui. Ok. Maintenant, la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Jésus-Christ est comme ça. Quand tu as fini, je vais poser la question sur Jésus-Christ chez toi aussi. Allons-y. Si Jésus-Christ est comme ça là. Donc les cieux ne peuvent le contenir. C'est pour l'instant, si j'en ai posé des petites questions, ça, mais c'est pour ça touche les questions de fond. Amen. Dans nos croyances. Si Jésus est comme Dieu, parce que tu as dit que les trois sont identiques. Sont identiques. Et tu vas voir, finalement, tout à l'heure, quand on va toucher le verset qui montre que ça ne peut pas être eux, tu vas avoir le problème ici. C'est là dans la Genèse qu'on arrive. Alors, Jésus est comme le Saint-Esprit. Dans sa nature, dans son image, c'est ça? Puisque la Bible déclare que Jésus est l'image de Dieu invisible. Donc, si on voit Dieu, on voit Jésus. Le Saint-Esprit, on voit le Saint-Esprit, on voit Jésus. Ok. Donc, on dit maintenant, Dieu créa l'homme à son image. Donc il suffit de dire, s'il est créé, il a créé l'homme à son image, ça, forcément c'est l'image de Jésus. Forcément l'image du Saint-Esprit. Ok. C'est quel homme dont il est question? Quand on dit qu'il a créé l'homme, c'est donc Adam. Donc c'est Adam seul qui a créé son image. Ok. Mais est-ce que les autres ont été à l'image de Dieu? Les autres ont été à l'image déchue de Dieu. Ah, l'image déchue comment? Parce qu'il avait déjà le péché en ce moment de la création. Les autres hommes qui sont venus après. Quelle est l'image qui change? Quelle est l'image? Parce que quand tu dis Adam, Adam sous le péché, c'est l'image déchue. Quelle image, quelle partie d'Adam a été déchue? L'esprit. Donc son esprit s'est gâté, la chair n'est pas gâtée. Donc c'est la partie esprit de l'homme qui a été gâtée. Ok, on avance. Maintenant, souvenez-vous de tout ce qu'il a dit ici. Il a dit, un, que Dieu, le Saint-Esprit et Jésus étaient identiques. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, chers frères et sœurs, courage. Vous y êtes? Bon, dans Genèse chapitre 3 donc, l'image déchue de Dieu va se mettre en action, c'est-à-dire que le péché va entrer, et par conséquent, ça va gâter l'image, et il a dit que c'est l'image spirituelle, donc la partie spirituelle, donc qui va se gâter. Parce qu'il sait très bien qu'il ne veut pas dire c'est l'image physique, c'est qu'il va me dire, que ce tel homme avait trois yeux, maintenant il a deux. Bon, alors, nous sommes dans le chapitre 3, le péché est entré, n'est-ce pas? Allons-y maintenant au niveau des sanctions, le post-sanction. Lisons les versets 20 et 21, c'est toi qui lis, allons-y. Maintenant Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Oui, à votre frère. Et il les en revêtit. Oui. Maintenant Dieu dit. Écoutons très attentivement, regardez bien, regardez-moi. Dans Genèse 1, verset 26, 27, 28, on dit Dieu a dit. Après il parle le pluriel, n'est-ce pas? Continuons ici maintenant. Puis maintenant Dieu dit. Au verset 22. Oui. Maintenant Dieu dit. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Stop. Donc il s'adresse encore à ces mêmes personnes. Regarde-moi, frère. Regarde-moi. Dans les yeux maintenant. Nous sommes d'accord que une deuxième fois, l'Éternel a s'adressé au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Conformément à Genèse 1, versets 26 et 27. Oui. Ah, c'est à lui, à ces deux-là qu'il a s'adressé, non? Ok. Je veux que tu me dises. Ils disent, non, le verset n'est pas fini, le verset 22 n'est pas fini. Regardez encore le verset 22, allons-y. L'Éternel Dieu dit, oui. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, oui. pour la connaissance du bien et du mal. Stoppons là-bas. Non, et après, voilà, tiens, encore tu dis le pluriel, empêchons-le maintenant. Nous sommes d'accord que ça va être toujours assez même. Il dit, ici, encore sur la supposition que c'est Dieu, le Père qui en est parlé, au Fils du Saint-Esprit. Nous sommes tous d'accord, frère. Amen. Amen. Ok. Donc, il s'adresse à ce Dieu-là que maintenant l'heure est grave. Regarde-moi. L'heure est grave. L'homme est devenu comme l'un de nous. Regarde bien. Voici le Saint-Esprit. Voici Jésus. Initialement, il a d'abord dit, créons l'homme à notre image. Qu'il domine. Quelque chose se passe. Puis il se tourne maintenant et dit, ah, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça a un sens, là, frère. Il commence encore suivre à la création. Cet homme, ce n'est pas encore. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis on dit, l'Éternel créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Toi, tu viens de nous dire, cette image-ci qui était Dieu, était la même image là-bas. Puis Dieu dit maintenant que quelque chose se passe. Il dit maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il dit d'abord comment? Réponds, frère. Wow, comment encore? Dis-nous, comment était l'homme? Puisque tu as admis, et c'est ce que la Bible dit, que l'Éternel fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Et si nous admettons que les trois étaient présents, le Saint-Esprit, le Fils et Dieu, et tu as dit qu'ils avaient la même image, c'est pour ça que Dieu n'avait besoin d'utiliser le pluriel pour dire qu'il créa l'homme à leur image, parce que l'image de Dieu était l'image du Fils, était l'image du Saint-Esprit. Mais là, surprenamment, Dieu veut nous informer que l'homme encore a commis un péché, et là, il est devenu comme l'un de nous. Donc le Saint-Esprit est un pécheur, hein, frère. Tu peux dire ça? Ou le Fils. Hein? Donc c'est le Fils qui est le pécheur. Parce qu'il est clairement dit dans ce verset 22 là qu'on ne parle du péché. D'accord? Donc, Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Et toi, tu as dit tout à l'heure quand c'est nous, c'est le Saint-Esprit ou Jésus. Donc, Dieu a dit d'accuser soit le Saint-Esprit ou Jésus d'avoir été. Il est devenu l'un de nous parce qu'il a dans la connaissance. Non, il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas une nouvelle connaissance. On est clair qu'il s'agit du péché d'abord. Mettons le péché d'abord. Mais le problème, c'est le nous dont il est question. Le nous là, c'est le Saint-Esprit ou Jésus. Nous sommes d'accord là-dessus. Il est devenu comme l'un de nous. Donc Dieu allait l'accuser parce qu'il est devenu comme ça, qu'il ne devait pas être, n'est-ce pas? Donc c'est à cause du péché. Alors donc, tu viens de dire, d'après ton intention biblique, le Saint-Esprit ou bien Jésus est un pécheur, parce que c'est Dieu qui parle là juste là. Dieu ne sait pas inclus là-dedans. Donc tu viens de dire que soit le Saint-Esprit, soit Jésus a fait pécher l'homme. Allons-y, frère. Je veux que tu me dises oui. On ferme la Bible. Hein, frère? Pas oui, parce que devant, tu peux témoigner, qui peut condamner le péché, je ne sais pas. Jésus a dit qu'il peut condamner le péché, n'est-ce pas? Oui. Et le Saint-Esprit, comme le mot Saint-Esprit veut dire clairement qu'il ne veut pas, il est éloigné du péché. Oui. Dans ce cas, il faut qu'on regarde encore la Genèse. Le nous donc, c'est qui donc? Donc, je pose la question, je me dis oui ou non, n'est-ce pas? Le nous, est-ce qu'il y a possibilité que ce soit Jésus ou même le Saint-Esprit? Selon les écrits, jusqu'à présent, je suis convaincu que c'est Dieu le Père, Dieu. Non, suis-moi bien attentivement. Tu veux encore de l'inclure dans le péché? J'ai dit, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 22. Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est Jésus qui connaît ça, qui a ça, cet attribut-là? C'est le Saint-Esprit qui a cet attribut-là. Dans ce cas, dis-moi, qui est ce nous dont Dieu a parlé, l'homme de nous? Pourquoi il dit nous encore? Parce que c'est le même nous qui a utilisé là-bas. Créons-le à notre image. J'ai dit encore, sous la supposition que vous dites que il s'adressait, le fait qu'il dit créons l'homme en autre image, il s'adressait au Fils et au Saint-Esprit. Voilà la même chose qu'il en débat, il continue à parler ici. Alors il s'adresse donc à qui? Ah, je ne comprends. Bon, en admettant donc que c'est le Père qui pose le Saint-Esprit, tu comprends donc qu'il y a un problème ici, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand il dit nous, il ne veut pas nécessairement dire que c'est lui et le Saint-Esprit. Et Jésus, n'est-ce pas, frère? Sinon, tu les attribuerais le péché. Amen. Nous sommes d'accord? Comment tu bouges la tête, tu me regardes encore depuis le pied jusqu'à la tête. C'est la Bible là. Hein, mon cher? Nous sommes d'accord. Ok. Donc, regarde maintenant dans les yeux. Quand Dieu parle, quand la Bible dit nous, et on va rester sur la garde-fou de la Bible. Il n'y a pas de base biblique pour dire que c'est le Père qui parle au Fils, au Saint-Esprit. Si tu dis ça, il faut que partout il va dire nous, que ce soit ça. Et si tu dis nous là, tu viens de dire que le Saint-Esprit ou Jésus a péché. Voilà encore ça là-dedans. Nous sommes d'accord. Amen. Parce qu'il n'y a pas de possibilité que tu exclues le nous à qui il a parlé dans Genèse 1. Et tu exclues nous ici parce qu'il n'y a pas de nous au pluriel, nous au singulier. Hein, mon frère? Alors, maintenant, je pose la question. Créons l'homme à notre image. Dieu parlait à qui? Ou mieux, l'autre là est compliqué. Restons dans Genèse chapitre 3. Si ce n'est pas au Fils et au Saint-Esprit qu'il a parlé, parce que ça montre clairement que les deux sont exclus. Nous sommes d'accord? Je recommence encore. Genèse chapitre 3, verset 22 nous montre que le nous que Dieu parle là, le Saint-Esprit et Dieu et Jésus ne sont pas impliqués. Amen. Nous sommes d'accord sur cette base là. Parce que si je dis qu'ils sont impliqués, alors forcément, il a péché. Donc ils ne sont pas impliqués, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Donc, Dieu parle donc à qui? Le nous l'a mis pour qui? Dieu et qui? Parce que c'est votre Dieu, il y a votre Dieu qui est inclus. Mais Dieu s'est exclu de cette inclusion. Parce qu'il a dit comme l'un de nous. Il dit nous parce qu'ils sont en groupe là-bas. Mais il vient de s'exclure de cette inclusion dont il était inclus. N'est-ce pas, mon cher frère Michel? Alors, je pose la question. Dans cette inclusion, il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas Jésus. Parce que si ils ont ça, ils se sont exclus, ils viennent d'accuser le Saint-Esprit. Et toi, tu as dit, ils ont la même image. Donc, ils ne peuvent pas être inclus là-dedans. Nous sommes d'accord? Alors, réponds-nous. Le nous, là, c'est qui? Oui, lui, le médecin. Pourquoi dites-vous que s'il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous? Oui. Cela signifie, si on inclut le nous, là, comme étant Jésus, le Saint-Esprit, oui. Cela veut dire quelque part que Jésus et le Saint-Esprit ont péché. Attends, je crois que c'est lui qui doit répondre. Explique le frère, le pourquoi. Il dit, il ne comprend pas pourquoi il dit. Si on dit l'un de nous là, ça inclut le Saint-Esprit, il dit pourquoi est-ce que ça ne dit que si ça inclut Jésus, ça veut dire qu'ils sont péchés. Parce qu'il dit qu'il est devenu comme l'un de nous. Parce que maintenant qu'il a marché, il est devenu comme l'un de nous. Oui. Parce que quand il a marché, il a péché. Il a péché. Il est devenu comme l'un de nous. Donc ça veut dire qu'il a une autre nature qu'il n'avait pas encore. Il n'avait pas. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a cette nature là, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord parce que le Saint-Esprit est saint. Le Fils est saint, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si je dis que l'un de nous là, c'est le Saint-Esprit, ça nous tient de l'accusation. Parce que ici, c'est l'accusateur, le droit accusateur que tu es en train de donner à l'un de cette personne là. Nous sommes d'accord. Amen. Ici, c'est le droit accusateur que tu es en train de montrer qu'un élément a contaminé l'homme. Et cette chose montre que l'homme n'avait pas cette nature parce qu'il est devenu. Nous sommes d'accord? Okay. Donc, c'est le droit accusateur, on avait indexé au péché. Et par conséquent, la source de ce péché. C'est pas mon cher Luc? Donc, ça veut dire que le nous là n'inclut pas le Saint-Esprit, ni Jésus, ni le Fils. D'accord, frère? Comment tu réfléchis encore même? Ou bien tu as encore une réserve que Jésus peut pécher? Non, je ne peux pas. Sur ce fait, non. Ok, dans ce cas, réponds-moi. Donc, le nous-là n'inclut pas Jésus et le Saint-Esprit. Oui, nous sommes d'accord. Tout le monde est d'accord. À moins que vous avez l'objection. Y a-t-il objection dans ce tribunal? Non. Ok. S'il n'y a pas d'objection, on continue, n'est-ce pas? Alors, on répond à la question. Donc, dans ce cas, Jésus et le Saint-Esprit sont exclus de cette assemblée, n'est-ce pas? La question pratique demeure. Dieu donc s'adresse à qui? À qui? Avant de dire la réponse. Qui a la réponse? Monsieur Luc. Dieu s'adresse à qui alors? Vous avez là lu Genèse ou tout la Genèse, vous? Au moins des quatre premiers chapitres, tu as lu, non? Ok, dans ce cas-là, tu as lu, tu es arrivé là-bas, tu crois que Dieu s'adresse à qui? Vous voyez que la Bible ne s'agit pas de lire et souligner, n'est-ce pas? Il s'agit de lire, entendre la voix de Dieu, comprendre ce qu'il a dit d'expliquer. C'est ça dans cette question. Lire la Bible, il ne s'agit pas de lire et feuilleter la Bible, c'est pas ça dans cette question. Il s'agit de lire et avoir la compréhension du langage du Seigneur. N'est pas le langage du Seigneur, vous allez arriver dans tous les livres, on va aller comme un plus jeune, frère maintenant. Alors quand tu as lu le livre des Genèse, tu arrives à quelle conclusion ici dans ce Genèse 3, verset 21 à 22. En fait, vu que la fois passée, nous avons dit. Quand Jésus, quand l'apôtre s'est relevé, quand Michée a assisté au conseil, oui, il a vu Dieu avec les anges et tout. Oui. Moi, je me dis, quand il est en train de parler de nous, il ne parle pas, il parle à ses anges, aux anges qui l'entourent. À plus de frère. Amen. Donc, l'écriture présente Dieu au milieu de l'assemblée des anges parlant ainsi. Amen. On a au moins la base de l'écriture. De l'écriture. Amen. Et jamais dans cette assemblée-là, il n'y a le Fils assis quelque part, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul trône. Amen. En réalité, il n'y a qu'un seul. Et celui qui préside la réunion. Nous sommes d'accord. Amen. Au moins, par deux fois dans les Écritures, on voit cela. Donc, on a bon exclu le fait que ça ne pouvait pas être le Père qui avait au Fils. On a exclu, donc c'est exclu. Et là, maintenant, on voit dans la Bible que très souvent, il parle avec les anges dans son conseil. Nous sommes d'accord. Amen. Avec souvent les êtres humains invités. Donc, Dieu a créé l'homme à l'image aussi des anges. Ça te surprend, frère? Pourquoi? Si ça te surprend, on va dans la Bible. Ça me surprend, pourquoi? Les anges ont péché, Dieu n'a rien fait pour les hommes. Non, attention, on est à l'image, on est dans le ciel. Dieu crée les hommes, il les met sur la terre. Oui. On est au niveau de l'image, pas le péché. Parce que malgré que l'homme a péché, ça n'a pas fait l'expérience, ça demande la création dès le départ. D'accord? Je recommence encore. Lorsqu'on dit que Dieu a de parler des conseils avec les anges, tu dis, est-ce que donc tu veux dire que Dieu a créé l'homme à l'image avec les anges? Je dis oui, tu dis que non, tu n'es pas d'accord. On lit dans la Bible, frère. Actes des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire un acte des apôtres et puis lire l'autre dans Genèse. D'accord, mon cher frère. Personne ne peut plus parler. Amen, amen. D'accord, amen. Mes frères. Amen. Vous n'êtes pas content. Il y a un autre problème qui reste là, d'accord. Jésus qui a été créé. D'accord. Amen. D'accord. C'est vrai qu'on met les puces dans le ventre d'un enfant. Vous arrêtez un peu son derrière parce que ça tourne bien dans son ventre. On met 3, 4 doses. Et puis on arrête comme ça. Il est là comme ça. Il coule la sueur comme il coule la sueur ici. Il dit papa, papa, tu dis oui, tu ne fais pas le bonbon. Après, quand tu le lâches, quand on va te l'aller, vas-y. Il dit, quand on se dit, la Bible se va nous troubler ici. Oui, après plus de 1. Maintenant, allons-y, Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'à au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisi. Après qu'il eut soufflé, il apparut vivant et leur donna plusieurs preuves. Ce moment se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme ils se trouvèrent avec eux, ils leur racontèrent, recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume des cieux? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judées, dans les Samaries et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, continuons. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il leur regardait, et une nuit leur le déroba à leur vie, à leurs yeux. Oui. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent en disant, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Vous, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, revenez de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Regarde-moi. On dit que c'est combien de personnes qui parlaient? Non. Ici, dans ce verset, on dit c'est 11. On dit que pendant qu'il s'élevait comme ça, les êtres humains étaient là, les apôtres et tout le monde voyait Jésus monter jusqu'à ce que les nez les déroba. Voici deux hommes vêtus de blanc, c'est tenu là-bas. Ils ont dit que, homme, qu'est-ce qu'il y a, homme galiléen? Qu'est-ce qu'il y a à vous regarder comme ça? C'est Jésus qui est en vrai du milieu de vous. Revenez à la même maison. Il s'agit de qui ici? Qui sont ceux qui sont les parler là? Les anges. Qui t'a dit que ce sont les anges? On a écrit là-bas les anges. Comment tu sais que ce sont les anges? Pourtant, on a dit deux quoi? Deux. Oui, dis-moi pourquoi. Sur quelle base tu dis que ce sont les anges? Parce que c'est le verset lui-même qui explique que ce sont les anges. Mais on n'a pas écrit anges là-bas. On a écrit deux hommes. Parce que la personne qui le voyait a vu deux quoi? Deux hommes. Mais arrêtez, ces hommes-là sont les anges. Dis-moi donc comment tu sais que c'est les anges ici? Parce qu'on n'a pas écrit anges. Alors, gardons cela encore plus gros. Allons prendre encore notre puce. Mettons le massacre maintenant. Alors, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Amen. Vous y êtes? Amen. Regarde-moi, frère. Je ne sais pas encore ce que tu veux. Ok, pendant que tu vois quelqu'un ne va lire. Verset 1 et 2. Genèse chapitre 18. Vérifie parce que c'est lui qui doit te purger. C'est sa puce aujourd'hui. Allons-y, maintenant il va lire, comme ça tu vas suivre dans ta Bible, d'accord? Mais c'est un écrit, mon frère. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, oui, pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Mm-hmm. Et voici trois hommes. Stop. Qui étaient... Donc, on dit ici clairement que qui s'est révélé s'est manifesté à Abraham. L'Éternel. Ils étaient au nombre de combien? Pourquoi? Et on les appelait quoi? Les hommes. Donc, il avait quelle forme? Quand il regardait, il voyait quoi? Des hommes. Continuons la lecture. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Oui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Puis, depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux... Stoppons. Donc, ils étaient combien? Trois. Abraham parlait quoi? Au singulier ou au pluriel? Est-ce qu'il a dit que si j'ai trouvé grâce à vos yeux? Non. Ça veut dire qu'il s'est porté devant une personne parmi les trois. L'Éternel. L'un était l'Éternel. Il avait la forme d'un homme. Et les autres deux autres avaient la forme d'un homme. Nous sommes d'accord. Amen. Chapitre 19. Bon, d'abord, on explique ce qui va arriver au chapitre 19 ici. Ils vont s'entretenir avec Abraham. Par la suite, les deux hommes vont se séparer pour aller à Sodome. Mm-hmm. Nous sommes d'accord. Amen. Chapitre 19, versets 1 et 2. Encore, frère. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Stop. Les deux quoi? Les deux anges. Au chapitre 10, on les appelait quoi? Les deux anges. On revient à l'original. Donc, on est au niveau du conseil de Dieu où Dieu s'est venu avec les anges. Et il parle, il le dit en faisant avec le nom. Et j'ai dit que Dieu parle certainement avec les anges tout autour de lui. Et la réplique que je donne, c'est que donc tu veux dire que nous sommes créés avec l'image des anges? Il dit oui. Voici les anges qui sont appelés les hommes. Et Jésus lui-même a dit quand on a eu à poser la question par rapport au mariage, dit que non, à la résurrection, les gens ne sont pas nus, les femmes, ils seront comme les anges. N'est-ce pas, mon cher? Qu'est-ce que toi tu en dis là maintenant? Mais c'est dans la Bible quand même, j'ai entendu comment c'est parce qu'il écrit dans la Bible, le frère. C'est Matthieu 22 qui vient de citer là maintenant. Matthieu 22. J'ai dit, c'est forcément si je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Amen. C'est pour ça que c'est une qualité de purge. Donc, on avance doucement. D'accord? On avance doucement. Et on résume d'abord. Ce n'est pas Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans Genèse 1, verset 27. Tu m'as démontré. Amen. On avance maintenant. Dans ce cas, pourquoi il parle au pluriel? Parle aux anges. Parle aux anges. Est-ce qu'il a besoin d'invoquer, d'appeler les anges dans son conseil pour leur dire cela? Il a besoin en tant que Dieu? Normalement, non. Voilà. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il est Dieu, justement. Il fait ce qu'il déclare notre Dieu qui est au ciel là. Il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Il réalise sur la terre. Les personnes de l'homme. Job nous dit clairement que quand il agit, qui lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Donc si tu as un problème, tu peux lui dire. Quand il a dit, qui lui dira pourquoi tu agis ainsi? Si tu veux lui poser un peu la question, que moi je peux dire. Tu peux dire ça, frère. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi poser la question, pourquoi il n'a pas mis l'oreille ici et les yeux là-bas? On avance là maintenant, n'est-ce pas? Alors, lui, c'est qu'on a un problème de traduction avec votre Proverbe chapitre 8, verset 22. Vous voyez, lorsque vous lisez dans la Bible, si vous lisez dans la Bible, si je mets la Bible là, vous voyez le mot, je crois qu'il faut qu'on fasse là. Proverbe 22. Proverbe chapitre 8, nous avons lu là. Nous sommes levés le voile de l'autre côté là. Proverbe 8. Ce qu'on vient de voir là, écoutez très attentivement. Merci Père, merci. Vous voyez cela, regardez. Waouh. Ouvrez, pendant que j'en ouvre ici, ouvrez ce qu'il a donné là. Notez avec vous Juge chapitre 13. Vous allez dire la même chose avec les anges. J'ai dit. Juge. Notez. Bon, puis Luc chapitre 24. Pendant que je cherche ici. Luc chapitre 24, lisez verset 4. Vous avez Luc chapitre 4. Luc chapitre 24, verset 4. Quelqu'un lit le verset 4. Frère Constantin, tu peux lire le verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, oui. Voici deux hommes leur apparus, oui. En habit resplendissant. Oui. Saisis de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Oui. Mais ils leur dirent, oui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, quand les femmes sont allées au tombeau, regardez en Jésus-Christ, ils ont vu combien de personnes? Combien de personnes? Deux. Et quand elles voyaient, est-ce qu'elles s'inquiétaient que c'était un style d'être? Non. Parce qu'elles n'étaient pas effrayées, n'est-ce pas? Elles ont vu deux hommes et continuaient. Leur rôle, c'était de chercher le corps du Seigneur Jésus. Parce que le corps qui était là-bas ne les influençait pas. Parce que c'était des hommes, ils avaient la forme ordinaire comme tous les autres hommes. S'ils avaient des ailes, avec les grosses goudasses comme ça, qui faisaient wow, ils devaient dire, c'est encore quelqu'un de créature ici. Mais la Bible déclare qu'ils ont vu les hommes, n'est-ce pas, frère? Amen. Ce sont les hommes. Après, ils sont comme ça. Les hommes sont là, avec leurs habits, ils sont calmes, ils les regardent. Ils croient que ce n'est pas quelqu'un passant qui vient, parce que tout le monde, c'est un endroit public. Après, c'est le seul là-bas, il dit, les anges qui l'interpellent. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi Mais le problème, c'est que dans cette version, on n'a pas dit, ce sont les anges. D'accord, on dit. Deux hommes vêtus de la Bible resplendissante. Disons le verset 23. Le verset 23 dit quoi? Et n'ayant pas trouvé son corps. Bon, ça c'est plus tard qu'on a dû raconter. D'accord? Quelqu'un a dû raconter, oui. Allons-y, prenez le verset 20. À partir du verset 20. Oui. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Oui. L'ont crucifié. Oui. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Oui. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Oui. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Oui. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, oui. Elles sont venues dire oui. Que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Amen. Amen. Oui, mais bien, personne ne le parlait, il dit que va dans Luc, ça se trouve dans Luc. Alors faites attention, Jésus est vivant, et l'écriture est vraie. Donc les femmes ont vu, quand elles ont raconté, elles ont vu les hommes. Le Saint-Esprit dit que ce sont les hommes qu'elles ont vu. En racontant, les anges disent que les femmes ont venu nous raconter qu'ils sont allés au sépulcre, que les anges les ont dit qu'ils avaient ressuscité. Donc ces hommes étaient les anges. D'accord. Quand l'ange Gabriel est entré chez Marie, Marie n'était pas étonnée de sa corpulence. Il était étonné du message. Il dit, Marie ne craint pas. Car il dit, c'est quoi cette salutation? Elle était étonnée de ce qu'il faut, pas de la corpulence de la personne. N'est-ce pas, frère? Amen. Dans Daniel, vous lisez Daniel, quand on a jeté Abednego-Shadrach, Drac et Meshach dans le flamme du feu, ils étaient combien? Nebuchadnezzar n'a pas dit que. Il a dit son cadre, il a pas dit l'autre a les ailes comme ça. Il a dit que mais vous avez jeté combien de personnes dans le feu? Dans le feu. Je vois, il dit qu'il voit 4, mais l'un d'eux ressemble à un fils. Vous savez ça, frère? Bon. Dans ta Bible, tu avais dit le fils, frère. Tu avais dit le Saint-Esprit. Il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Lequel? Parmi les trois. Jésus-Christ s'est fait chair. Ça devait régler le problème, n'est-ce pas, frère? Amen. Si c'est Jésus qui s'est fait chair, ça suppose qu'avant qu'il soit Jésus-Christ, il était qui? Dieu. Il était Dieu. Ok. S'il était Dieu, alors ça veut dire que si on rentre là-bas à la Genèse, il est seul avant la création. Quand il s'assoit comme ça, il est seul, n'est-ce pas? C'est Jésus seul qui est là-bas. N'est-ce pas, frère? Comment tu dis encore? Non? Oui, prenez de l'eau là-bas pour donner à notre frère. Apporte de l'eau, c'est notre frère. C'est frère Michel, n'est-ce pas? Prends-lui de l'eau là-bas pour le frère Michel. Bon, il va désallonger. Quand on fait le purge, ça enlève beaucoup d'eau dans le corps. Il faut donner l'eau pour qu'il puisse se désaltérer. Bon, maintenant, dans Proverbe chapitre 8, verset 22, le temps qu'on donne de l'eau à notre frère, vous allez remarquer que le mot grec, regardez très gentiment, le mot grec, le mot hébreu qui est écrit là-bas, c'est Cana. Il veut voir montrer le problème qui se trouve. Parce que là-bas, c'est écrit littéralement, l'Éternel m'a créé. Et comme c'est écrit en français, vous savez, les témoins de Jéhovah sont astucieux et plus. Sont des bandits. Quand ils voient comme ça, là, ils marchent donc dans ce cas, ils marchent avec cette Bible, c'est lui, second, dans sa Bible. Comme ça, si tu tentes, tu dis que Jésus-Christ a été créé, que même dans lui, second, c'est écrit. Mais tu parles dans lui, second, tu dis maintenant que, voici la Bible déclare que Jésus est Dieu ici. Il dit non, non, sortons lui, second. Ma version dit comme ça. Donc, il voit seulement quand ça les arrange. Donc, maintenant, arrangeons maintenant ce qui les arrangeait. Amen. D'accord, frère? Amen. Alors, la Bible déclare c'est que l'Éternel m'a créé. Je veux que quelqu'un vérifie si vous voyez effectivement. Que le mot grec, le mot hébreu qui est écrit là-bas, vous voyez, c'est le Strong 70, oui, 070-69. C'est le même Strong partout. Le Strong 070-69, c'est en hébreu, c'est dans le mot qu'on a traduit en français là, par Kana. Kana, ça ne peut pas être créé. Parce que si on va dans Genèse 1, regardez bien encore. Et que vous avez vérifié, vous pouvez vous dire qu'il vous dérange. Dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Regardez, venez voir. Donc, au commencement, Dieu créa. Donc, le verbe qui se crée, parce qu'en français, vous avez créé. Donc, on s'attend à ce que c'est le même mot en hébreu qui se trouve là-bas. Mais quand vous voyez le Strong d'abord est d'abord différent. Quand vous voyez le Strong, c'est le Strong 01-254. Donc, même sans lire ce mot qui est là-bas, le Strong montre clairement que c'est différent. Parce que l'autre était 07, quoi. Ici, c'est 01. Donc, si on met le mot là-bas, on va voir que ça va faire Bara. Alors, c'est Bara qui sort. Donc, Bara. Bara, c'est créé. C'est le mot qu'on traduit en français pour créer. C'est Bara. Donc, dans Genèse, c'est Bara qui est là-bas. Donc, c'est créé. Donc, forcément, dans Proverbe, ça ne doit pas être créé. Ce n'est pas le mot créé qu'on doit mettre là-bas en français. C'est-à-dire, c'est que le Seigneur a dit de sa bouche, ce n'est pas que Dieu l'a créé. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il possède la sagesse depuis l'éternité. C'est ce qu'il a dit. Il possède la sagesse. C'est pas que la sagesse l'apprend, la sagesse quelque part, comme nous pourrons apprendre à être sage. Non, lui n'apprend rien. Il est parfait dès le commencement. Il est complet dès le commencement. Il n'apprend rien. Il n'apprend rien de nouveau. Dieu est parfait. Son premier acte est parfait et c'est définitif. Vous voyez cela, frère? C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, mon frère? C'est ça que lui, c'est bon, c'est bien envoyé. Voilà pour lui, c'est bon. Ça va avec création. Ça va avec possession et prière. Ça va avec les trois personnes de la Sainte Trinité. Une question encore? Que Dieu, le Père vous bénisse. Amen. Père, une question. Oui. Dans Job, frère. Job. Hein? Job, Job. Ça, c'est le travail, ça n'est pas vrai. Le Job de la Bible, le Job veut dire persécuté. Son nom dit ce qu'il est. D'accord. Le persécuté. Job, ça veut dire persécuté. Le Job, là, c'est le travail que tu te débrouilles sur moi. Donc, on dit, mais non, si pendant, voilà, créer, qui nous a créé le problème, sinon, c'est pas ça. Hein? Si créer, Bara et Cana qui nous ont créé le problème. Où c'est Cana? Un seul mot de changer et ça crée le problème. Allons-y. C'est Job, dans Job ou dans Job? Dans Job. Le problème, c'est le problème. En tout cas, je voulais y avoir le travail. Allons-y, oui. Il dit, Job chapitre, lui en parlant de créer, frère, oui. Il dit que Job chapitre 40, verset 14, il dit, le Seigneur dit ici là que l'hippopotame est la première de ses œuvres. Oui. Et dans Genèse 1, dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Et je pense que la terre également, c'est une œuvre. Vraiment. Ou bien quoi? Au verset 14 aussi dit, il est la première des œuvres de Dieu. Oui. Dit pour autant. Oui. Où le problème? Il dit au commencement Dieu créa. Quel commencement? Commencement. Quel commencement? Quel? Commencement. Quand vous attendez au commencement Dieu créa les cieux, c'est quel commencement, frère? Et quoi que ça va te couper, il ne faut pas qu'on te puisse aussi dans ces deux frères, c'est comme ça. Commencement de toutes choses. Vraiment, hein? Frère. Et que oui, Luc, ah, vous allez dire. Je reviens avec le fameux mot. Avec le oui. Oui. Le frère, c'est pas qu'on a parlé tout à l'heure des belles conseils, mais le matériel, ça ne donnait pas oui. Si nous n'est pas placé pour les anges. Non, ça ne t'a pas compris. Nous n'est pas placé pour les anges. Il faut que ça soit bien assimilé. Il n'est nulle part dit que quand il dit nous, c'est les anges. C'est pas ce qu'il dit. C'est toi-même qui as dit ce que nous avons vu la dernière fois, c'est pas toi. Oui. Donc, si on dit tu veux enseigner quelque chose d'autre qui est contre ce que tu as dit, tu demandes un adversaire. Tu as plus, je n'ai pas fini par ici. Oui. Oui. Dans ce que tu as dit, oui. Moi, je ne suis pas que nous, là, c'était les anges. Ok, donc je corrige dans ce que tu as compris de cette façon. Oui. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe. Donc, vous deux, je vous exhorte de prendre les enseignements tels que Jésus-Christ est Dieu avec ou sans la Bible. Pourquoi je ne me répète pas? C'est une chose que j'ai déjà dit dedans, que je ne vais plus me répéter. En ce moment, ça, vous allez comprendre en complétant avec ce qu'on a dit là maintenant. Jésus-Christ est Dieu avec ou sans la Bible. Ce n'est pas encore terminé, ça doit avoir au moins 7 ou 6 parties. Donc, je crois qu'on a la deuxième ou troisième partie seulement. Jésus-Christ est Dieu avec ou sans la Bible. Et Jésus est un autre enseignement. Jésus est-il Dieu ou en cet enseignement-là. D'accord? J'avais l'histoire à partir du verset. Tu y es, mon frère. Et Élie, tu suivais, d'accord? On va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Allons-y. L'année de la mort du roi Ozias, oui. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Dieu donc, il se servait pour voler. Oui. Il criait l'un à l'autre. Il disait, Saint, Saint, Saint, l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait et la maison qui se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Écoutez. Qui enverrai-je? Oui. Et qui marchera pour nous? Stop. Regarde-moi, mon cher. Tu as vu ce que Dieu a dit ici? Tu as vu un exemple de ce que Dieu a dit ici? Après que l'iniquité des prophètes Isaïe ait été expiée par la pose de cette pierre prise sur l'autel. Adam. Il dit, maintenant Dieu parle. Souvenons-nous, verset 1 dit, l'amener la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient tout le temple avec les séraphins tout autour de lui ayant 6 ailes. Il est clairement dit, il était avec les qui? Les séraphins. Les séraphins, donc un style de catégorie des anges. Anges. C'est ce que lui, il a décrit la scène où il a vu. N'est-ce pas, frère? Amen. Et puis Dieu dit là, après que cette iniquité soit expliquée, il dit, qui enverrai-je? Parce que c'est lui qui envoie. Puis il dit, qui marchera pour nous? Pour nous. Vous voyez, voilà qui a encore dit qui marchera pour nous. Il y a le Fils là-bas. Non. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Non. Maintenant, il a dit non. Il y a combien de personnes? Combien de groupes de personnes? Parce que la colonie des anges, les séraphins et. Non, je ne sais pas. Rendez-moi donc. Dans ce passage-ci, il y a combien de styles de personnes là-bas? Il y a qui et qui? Quand il dit nous, si on revient. Non, non, non, pas par la Genèse. Il dit qu'on veut qu'on voit. Les restons d'abord ici, honnêtement. Dieu dit ici non. Il s'adresse. Ah, oui, c'est si c'est ce qu'il voyait, oui. Si c'est comme que décrit, et que c'était les séraphins, lui et les séraphins. Lui et les séraphins, c'est ce que la Bible nous dit sur le contraire. Tu ne peux pas dire le contraire que c'est qui écrit là-bas. Mm. Parce qu'il a dit qu'il marchera pour nous. Quand il va dire, Esaïe va dire, non, mieux passer en moment. Et puis il dit, remarque bien, une fois de plus, il dit qu'il marchera pour nous. Tous ne parlent pas en disant que, ok, nous t'envoyons. Ça, c'est le Coran. Nous envoyons notre esprit, nous soufflons notre souffle dans Mariama. Ça, c'est le Coran, ça. La connotation biblique n'a pas cela. Il dit, puis, il dit, va, dis à ce peuple. Donc, c'est lui qui commissionne. Les autres ne parlent pas. Créons l'homme à notre image. Vous êtes d'accord? Oui. Il fit l'homme à son image. Vous voyez cela? Et quand la Bible déclare, quand il a fait ça, les fils de Dieu battaient des mains. Ils applaudissaient. C'est ce que la Bible dit dans Job, pas vrai? Dieu était là à la création. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Tu as vu maintenant par hasard comment il parlait de nous avec lui et les anges. Donc le nous est lui et les anges. Amen. J'ai pas dit que nous c'est le sang parce que lui c'est l'esprit. Là maintenant, regardez comment le Genèse confirme cela. J'arrive là maintenant. Remarque, rentrons dans la Genèse chapitre 3. Il n'est pas dit que vous rentrez avec la Bible. Rentrons donc en esprit. Dans la Genèse chapitre 3, on a vu que ce qui excluait le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est le fait que c'était le péché. Et parce qu'il doitait quelqu'un dans le milieu. Il doitait indirectement qui? Le diable, Satan. Donc Satan était au milieu de. Au milieu. Satan était au milieu avec qui? Quand vous réfléchissez, ça me dit. Il a dit que l'un de nous, donc là il parlait, il était là. Amen. Nous sommes d'accord, frère? Amen. Comment le frère se frasse le visage? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, mais puisque avant que Adam et Ève ne pêchent, oui. Est-ce que Satan faisait encore partie des anges de Dieu? Non, mais la Bible déclare qu'il était dans le jardin, non? Même maintenant, il est toujours parmi les anges de Dieu. Il sera toujours parmi, même en enfer, il sera toujours parmi les anges des dieux. Maintenant, restons en langue, c'est tout ce qu'on a dit. Il recommence encore. Sur la terre. Il est où, frère? Sur la terre. Vraiment? Oui. Tu es sûr? La Bible me le dit. Que quoi? Que après qu'il ait péché, il a été précipité sur la terre. Dans l'Apocalypse, je pense. On le puge encore. Il est faux. Tu as lu 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Par rapport à la manifestation de l'apostasie de l'homme impie. Il a lu, mais je n'ai pas. Ok, mais tu as lu au moins ce que je viens de dire. Vous savez ce qu'il attend à l'arrêt afin qu'il se manifeste encore en son temps. Hein, mon cher? Oui. Ok. Revenons sur ton propre chapitre 12 où on a dit que Satan fut précipité dans le ciel et ses anges furent précipités avec lui. C'est ça? Oui. Donc tu dis que Satan a été précipité ici. Oui. Donc il se trouve sur la terre maintenant. Et vous êtes plus Ephésiens. Alors d'abord, j'ai pris les 6 que vous aimez. Vous y êtes? Amen. J'ai pris les 6. Frère, le verset 11 et suivant. Verset 11 et 12 principalement. Allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir forme ferme contre les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans sur la terre. Non. Non, c'est sur la terre là-bas. Frère Michel, oui. On a dit qu'on a lutté, les esprits c'est toujours où? Sur la terre. Alors, vous voyez, vous avez vu, c'est un problème. Vous savez, il veut vous montrer, c'est un problème. Je suis à la radio avec un pasteur. On est en train de causer, on parle de Jésus-Christ avec sa naissance et les premières démarches. Chaque fois, le pasteur a la Bible devant lui dans Matthieu 2. Il dit les rois mages. Il dit frère, ce n'est pas les rois mages, ce sont les mages. Il me regarde comme ça, il dit les rois mages. Donc, dans sa tête, il veut lire mages, mais on lui a dit que c'est les rois mages. Donc, quand il lit même le verset, là, on a écrit les mages, il dit les rois mages. Parce que c'est imprégné dans son subconscient. C'est ça. Donc, il voit que c'est ouvert là. Donc, les esprits méchants sont dans les lieux. Dans les lieux célestes. Montre-moi le lieu céleste, frère. Montre-nous un peu de lieu céleste, dans la direction de lieu céleste, ou bien géographiquement, c'est où? Géographiquement, on parle de lieu céleste. Oui. La direction. Je crois que c'est Tu crois que c'est où, frère? Éphésiens. Chapitre 2 d'Éphésiens. Ah non, ton chapitre 2 maintenant. Nous à partir du verset. Oui, frère, à partir du verset 2. Le verset 1, pour qu'on puisse comprendre. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. De la puissance de l'air. Ça là, chez toi, c'est écrit quoi déjà? Vous êtes non, non, il veut dire que c'est puissant de quoi? De la terre ou bien de l'air? De la puissance de l'air. Bon, tu disais que ça a été présenté au frère. Sur la terre. Qu'est-ce que tu as dit là, on a appelé ça? C'est pas Apocalypse qui nous dit là, mon frère. Oui, c'est ça que ça dit. Ça a été précipité sur la terre. Non, il n'est pas encore précipité. Il n'est pas encore précipité. Attends, non, la Bible déclare que, au reste, frère, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car. Voici pourquoi on va tenir ferme, on va se revêtir, parce que normalement on peut lutter. Nous sommes dans les luttes là, non? Les esprits qu'on compte qui nous allons lutter sont où? Dit la Bible. Dans les Ils sont plus sur la terre, frère. Le frère va se dire, ah, je suis venu aujourd'hui aussi. Frère Michel, en réalité, donc on ne peut pas te déranger trop ce soir. Donc il faut que tu donnes l'eau que ça reste, d'accord? Il y a des choses qui doivent arriver encore. Il y a des choses qui ne sont pas arrivées. D'accord? Ce que tu as dit là n'est pas encore arrivé. Il doit faire face, ils vont descendre. En ce moment, quand ça arrive, et il y a un verset qu'on dit par la suite, malheur à la terre et à la mer. En ce moment-là, ce n'est pas encore prononcé ainsi. D'accord? Donc cela n'est pas encore accompli. Ça, ce n'est pas encore accompli. Il faut que ça il soit dégagé de cette puissance, de ce lieu-là, de ce lieu qu'on appelle lieu céleste maintenant. Il occupe ces endroits-là. On va les dégager de là. D'accord? D'accord, frère? Le prophète Jude dit ça autrement. On les appelle des astres errants. C'est pour ça que j'entends les gens adorent Vénus, Jupiter, Saturne. Parce qu'il y a les divinités, on appelle les signes du zodiaque. Ils savent ce qu'il y a là-bas. On parle sur Mars, on fait le registre scientifique. Ils savent. Ce n'est pas contacté. Y a-t-il des vies sur la Terre? Il y a d'autres planètes avec des séquences de vie. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. D'accord, mon cher? Mais ils vont être précipités. D'accord? La Bible déclare que Dieu les a enchaînés dans les abîmes des ténèbres. Dans les abîmes des ténèbres. Ce sont ces signes. Donc, il n'est pas encore descendu ici. Il n'a pas encore la même totalement là-dedans, en tant que règne de maître. Il l'aura. Il va aller s'asseoir donc dans le temple, se fera appeler lui-même Dieu. Parce qu'il faut qu'on quitte d'abord la scène. D'accord? Amen. Autre chose, tu as encore besoin de plus, je vais danser parce qu'on met seulement l'eau dedans. À ce point, ça va. Amen. Ça va, toi aussi, Luc? Ça va, ça va. Luc, le médecin, je crois que le médecin, toi, t'a guéri maintenant. Ça va. On y va? C'est bon, donc on peut se lever, on prend le monsieur du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. On peut se lever, on peut le monsieur du Seigneur, n'est-ce pas, frère? Oui, très bien, avant de. Quand on se remet, puisque je t'avais parlé de la dernière fois, oui. Mais tu crois qu'il fallait que je contacte les frères qu'on essaye de parler par rapport à Acte 9 et Acte 22. Oui, oui. Bon, les frères avec qui j'ai eu à. Ils ont dit qu'ils pourraient être du noir. Non, c'est pas ça, frère. Bon, ici, à la conclusion, ce que j'ai eu à partager, par exemple, à le frère Donatien, il m'a dit que ceux qui sont de la lumière savent exactement ce que le Père a voulu dire par là. J'ai dit, frère. Donc, par exemple, lui, il est de la lumière, non? Et toi aussi? Oui, frère, puisque le plus souvent, si on a de l'ambiguïté à quelque part, on doit chercher à arranger notre ambiguïté. Oui. Ma question était de savoir, parce que je n'y conteste pas ce que dit le Père. Mais je veux savoir exactement. Le verset pose des questions avant que tu ne poses des questions. Et j'ai dit, si tu te souviens que j'ai déjà posé ces questions et j'ai donné de la recherche et donné même des réponses, ce n'est pas seulement cela. Dans la zone où j'en ai parlé, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Comme par exemple, je repose encore la question ici. Jésus est-il de quelle descendance, de quelle tribu? David. Judas. Asseyez-vous d'abord un instant. Vous allez commencer maintenant. Ça vous permet de vous relaxer, non? C'est un exemple qui va vous donner. La personne qui dit que Jésus est de Judas s'élève. Vous êtes sûr que la Bible dit que Jésus est de Judas. Levez-vous. Bon. Okay. La personne qui dit Jésus est de l'autre tribu. Levez-vous. Vous êtes neuf ici. Judas s'élève d'abord. Attends, assieds-toi. Non, je n'ai pas dit les personnes. J'ai fait une personne parce qu'il peut poser des questions. Il ferait, oui, le son de notre frère. Tu parles de David et de Judas? Non, il parle de Jésus ici. Mm-hmm. Jésus est ici de quel tribu? La tribu de Judas. Lève ton frère, tu viens. C'est écrit où qu'il est issu de la tribu de Judas? Qui est d'accord avec lui qu'il est Jésus issu de la tribu de Judas? Bon, on choisit qui? Oui, c'est écrit où dans la Bible que aide notre frère? Est-ce que c'est écrit où? Non, assieds-toi, assieds-toi, c'est lui. Il veut qu'on cause. D'accord? C'est parce que l'une des choses dans la Bible. Ça, c'est les grandes parties de la Bible qu'il faut bien manger. Avant d'ouvrir la soupe pour dire non. Ici, il faut manger. Jésus, tu dis, il est issu de Judas, n'est-ce pas? En fait, c'est Hébreux chapitre 7 qui le dit de façon claire. Et Apocalypse chapitre 22. Il dit que je suis le rejeton de David, le lion de la tribu. Vous chantez à chaque fois, vous dites, mais quand on dit que c'est où, vous restez comme ça, comme le auteur qui a planté. Maintenant, Apocalypse chapitre 22 dit, moi, je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Il nous dit littéralement là-bas qu'il est issu de cette tribu. Ouvrez Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Il faut que le frère lise et ouvre d'abord. Hébreux chapitre 7. Lise le verset 11, à partir du verset 11. Juste ce qu'on trouve cela. Sinon, la perfection avait été poursuivie par le sacerdoce de Melchizedek. Car c'est ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple. Oui. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Oui. Et non selon l'ordre d'Aaron. Mm-hmm. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Oui. Dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Oui. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas. Celui dans lequel Moïse n'a parlé, n'a rien dit par rapport au sacerdoce. C'est bon. Donc ça veut dire qu'on a au moins deux écritures qui disent littéralement que Jésus est issu de là. Vous avez vu, c'était l'autre. On dit qu'il est notoire que Jésus est sorti de Judas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Qui est le Père de Jésus? Tu fais constant. Jésus est notre frère. Comment quelqu'un peut s'approcher lui-même? Qui est le Père de Jésus, pasteur? Pasteur ferme la tête depuis le gars, parce que je ne peux pas te. Il dit que. Parce que j'ai des questions que le Seigneur fait que le gars ne fait pas. Le gars ne fait pas. Il dit qui est son Père? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est son Père. Nous sommes d'accord. Amen. C'est pas ça, frère? Amen. Le frère, il n'est pas d'accord. Michel n'est pas d'accord. Il est semblable à Dieu. Donc, quand il n'est pas d'accord, on réfléchit. Tu es d'accord que le Saint-Esprit est le Père du Seigneur Jésus? Bon. Qui a dit que le Saint-Esprit est son Père? Dis-lui là où ça se trouve. Dans le livre de Matthieu et les autres évangiles, la Bible nous dit tellement que Marie Thomas n'aime pas la vertu du Saint-Esprit. Oui, dis où? Son Père se Saint-Esprit, oui ou non? Oui. C'est écrit où? Matthieu chapitre 8, verset 18. Il dit voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus. Marie. Étant fiancée à Jésus, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de se rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur vient en son lui dit, Joseph, ne prends pas, ne réponds pas de prendre avec toi Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu, est comment tu as demandé ça dans ta vie, frère? Donc le Saint-Esprit se sort. c'est tellement, il y a tellement de fortaleza que Marie qui lit comme ça, il a du mal à admettre que non, que ça va. Mais la Bible dit que ce sont le Saint-Esprit se sont. Son père, nous sommes d'accord, frère. Non, tu peux, on ne peut pas être d'accord sur aujourd'hui. Ce n'est que c'est la référence. On a dit que c'est notre référence d'abord. D'accord. Alors donc, évidemment, là, pour vraiment voir que ton acquiescement est vraiment acquiescé. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Là, je pose la question à une autre personne ici. Luc, mon cher frère, l'homme porte la nationalité de qui? Du Père. Du Père. Okay. Alors, le Saint-Esprit est de la tribu de Judas, n'est-ce pas, frère? Non. Non. Donc, bon, le Saint-Esprit vient de la tribu de Judas. Attends, comment? Oui. Frère. J'espère que je suis allé doucement pour que tu comprennes bien ce que j'en avais dit. J'ai dit le Père de Jésus, c'est qui? On a tous rassemblé que c'est qui? Saint-Esprit. Puis j'ai posé la question que la nationalité ou bien la tribu d'un enfant vient de qui? Du Père. Nous sommes tous d'accord. Amen. Comment? Tu nous prêches encore? Donc, le Père de Jésus, qui est le Saint-Esprit, donc par conséquent, moi je dis que c'est Joseph, vient donc de Judas. Le Saint-Esprit. Dans ce cas, comment Jésus? On a lu littéralement là, et là tu ne peux pas tromper qu'il est ici. On a dit qu'il est notoire. Donc, Marie dit que c'est naturel, la preuve pour qu'il dise là, que c'est naturel qu'on sait que Jésus sort de Judas. C'est parce qu'on a dit, frère. Comment il est venu de Judas? Pourtant, il n'a pas de père de Judas. Allons-y. Pourquoi la Bible dit ça? Non, c'est ça la question que je vous ai posée. On lui avait dit peut-être, on veut sans doute nous dire, nous montrer par où il était, où il a grandi. La lignée. Donc, ça, il était grandi au Nigeria, il était nigérien. Non. C'est ce que tu as dit. Je ne veux pas dire. Il peut être Camerounais, j'ai grandi au Nigeria, c'est pas Nigeria. Mais c'est ce que tu allais dire. Tu allais dire, on veut sans doute dire qu'il a grandi là-bas. Le fait qu'il ait grandi là-bas, il prend la nationalité. Non. Alors, on se le voit, c'est autrement. On va essayer. Frère Donald, pourquoi on l'appelle? On dit clairement là-bas, on a lu, c'est pour ça qu'il vous a fait lire ça, pourquoi vous ne dites pas que vous n'avez jamais lu. On a dit qu'il est notoire que notre Seigneur est issu de Judas, de la tribu de Judas. C'est ça, non? Amen. Lui-même l'a dit encore pour confirmer ce que la Paul a dit, que je suis le rejeton de David, le lion de la tribu. Et tous vous aimez ce nom-là, non? Le lion de la tribu de Judas est vainqueur. Discutons maintenant de lui. Comment il est de la tribu de Judas? C'est le Seigneur qui a attribué lui-même la paternité. Dieu a décidé que même s'il n'est pas de là, il est là. Comme celui qui signe des promis à David, il devait se faire asseoir. Un de ses descendants. Donc ça veut dire que c'est un descendant de David. David est de Judas, nous sommes d'accord. Comment il quitte de David jusqu'à ce qu'il arrive à Jésus? Il veut qu'on voit cela littéralement. C'est-à-dire comment on quitte de David jusqu'à arriver à Jésus en passant par Judas. Allons-y. C'est clairement noté dans Matthieu chapitre 1 que voici la généalogie de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer comment on quitte de là pour arriver à Judas. Voilà donc les choses, les grands morceaux de la Bible. C'est que la généalogie de Matthieu n'est pas la même avec la généalogie de Luc. Donc ça veut dire que la Bible, c'est comme vous dit. Non, la Bible, je ne sais pas comment, mais la généalogie partant de Matthieu jusqu'à. Et Joseph et Marie, ce n'est pas la même que la généalogie de la Bible a tracée. Donc il est hybride, Jésus. Bon, non. Choisissons. Non, il n'y a pas de problème. Choisissons donc une généalogie. Laissons. Dans la généalogie, première généalogie, comment tu fais pour qu'il soit de Judas? C'est ça mon problème là-bas. Il faut fuir dans la généalogie, ça tu me le trouves à Judas. C'est ça qui est le problème. Comment tu fais dans la première généalogie? Choisis-en une. C'est David que Dieu a choisi. Bon, je pose la question. David lui a dit qu'un de tes descendants, un descendant, ça veut dire quoi? Il vient de cette lignée. Je vais donc vous montrer comment ils sont de cette lignée. C'est ça, c'est la question compliquée. Non. Abraham engendra Isaac engendra Jacob engendra les 12. On continue, on voit effectivement comment tel est issu de tel. Tel est issu de. Je veux qu'on me montre comment Jésus est sorti de Judas. Souvenez-vous qu'il doit sortir par le Père. D'accord, frère? C'est parce que Judas a le Saint-Esprit. Alors que? C'est parce que Judas a le Saint-Esprit. Donc, comme le Saint-Esprit, c'est Jésus de Judas. C'est ça, frère? Quoi que le frère a besoin de lui aussi, pas vrai? Bon, on prie alors, on prie. Levant le nom, on prie, on remercie Dieu. On prie, qu'il vous bénisse. Que le nom de la tribu. Que le nom de la tribu de Judas vous. Oui, frère. Puisque Marie a conçu Jésus avec le Saint-Esprit. Oui. Moi, je me dis, comme Jésus est venu au monde sous la forme charnelle. Oui. Est née sous la forme charnelle dans le peuple de Judas. Oui. Et a grandi, je peux dire, a été... Dans le peuple de Judas, comment donc chez Marie, quand Marie était de Judas? Non. Il était dans le peuple de Judas, comment? Il est né à Bethléem, non, frère? Oui. C'était de Judas, non? Donc, ça veut dire que si, concernant mon enfant, papa n'est là-bas, il est là-bas. C'est-à-dire que je vais avec place à Sega en Amérique, j'accouche l'enfant, l'enfant est américain. Un frère, il est issu de la tribu des Amérindiens chez les Américains. Il est plus Banganti. C'est ça, frère? Oui. Donc, ça veut dire que je prends un enfant, je prends mon épouse, on va en France, il accouche là-bas à Paris, il est marié. Il était par la terre. Pour la quoi? Par la terre sur laquelle. C'est clair que l'île de la société juive, on parle de la tribu. Je crois que la Bible n'a pas confondu, non? Il est issu de la tribu de Judas. Mon enfant n'a pas la nationalité américaine, mais il est de quelle tribu? Il est de quelle tribu? La tribu du papa, n'est-ce pas, frère? Nous sommes d'accord? Amen. Continue dans ta réflexion. Tu voulais dire quoi, frère? Ça va, frère? Pasteur, tu as déjà dit? Non. À l'école de théologie, il n'y a pas ça? Il n'y a pas. Les bons n'ont pas pris. Que Dieu notre Père vous bénisse. Oui. On prend une nuit de prière. Mais si je vous empêche de prier, vous voulez rester à prier toute la nuit, priez. Avec moi. Après, ta première personne à dormir, ce sera toi. Toi, tu n'as pas dormi. Vous savez, on était en constant pendant qu'on allait parler la nuit. Il y a un soeur qui a dit que personne ne dort ce soir. Je me suis tourné, il dit que la première personne à dormir, c'est toi. La première personne à dormir, c'était qui? C'était pas vrai. Tu avais, c'est à cause de toi. Attends, quand j'étais là, à cause de toi? Non, j'étais pas là, mais c'est. Donc, comme j'ai dit ça, il veut dire que tu as prophétisé. La première personne à dormir, c'était elle. En fait, dans la salle, elle venait chercher, peut-être vers 2 heures, la personne qui était ici était où? Elle avait sauté, c'était la salle, ça passe quand elle est sortie. Donc, tu veux on fait ça où? Ici. Donc, tu veux que moi, il dirait à mes voisins, on me persécute, on vient chez toi. Oui, on vient chez. Donc j'attends donc ton invitation. Tu dis à tes frères qu'on vient parler. On parle de donc j'aime ça, nuit de prière où on parle de toutes ces choses. Parce que ça, il faut aller dans la vie. Vous voyez comment j'ai abrégé. Bon, prions donc, prions. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour ta bienveillance dans nos vies. Merci pour ta grandeur, pour ta fidélité et pour ta révélation. Merci Père de gloire parce que c'est toi qui nous éclaires. Il est question, Père de gloire, dans le rôle de toi. Et nous voyons effectivement comment tu déroules ce rôle et tu nous expliques. Ce qu'il en est par rapport à ta personne. Donne Père de gloire, fais asseoir ces choses-ci dans les pensées et les cœurs de tous ceux qui sont ici ou tous ceux qui sont ailleurs. Merci Père de gloire parce que tu te révèles à qui tu veux, pas à qui t'apprends. Seigneur, merci parce que tu veux et tu révèles ces choses-là à tous ceux-là qui sont de toi. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ozali likonzi ya bomo ya masantu Eki melonanga ozali nzela bipanya kota mbulaka Papa yozali malamu mingi ponangai Ise kwa liabaye bakenda unelike ya kose kwa Yerobi yosa moninga langa Elongeza na yo ebipa yozali ndeza malamu Koro yo zali nyonso ya mutu ya Mubateli nanga bipaina kona mote mananga Ozali yo yo mosusu wa zali teo Lilobali abomo ibi paina fanisa elikia. Papa yozali malamu mingi mponangai. Lisekwa liabai bakenda ona elikia yako sekwa. Ozali kimia pese ngonanga. Bilembo ya bonso mioyo mukilengo kiko pesa te. Ipaina suki ya mweza suka teo. Obia nonanga bisimba mina yo mosungi na bato. Ozali zambe ozana suka teo. Mosungi na baye balemba opeba bungisa elikia. Yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo. Mokeli monene uzambe na biso uza kusala. Ozali oyo afandi na motema nanga mpe asunga kangai. Nakota na kembo na yo e. Ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo. Omiso mikumisa yo e. Ozali oyo afandi na motema nanga mpe asunga kangai. Nakota na kembo na yo e. Ozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo. Omiso mikumisa yo e. Ozali likonzi ya bomo ya masantu. Ekimelo nanga ozali nzela bipa na kotambolaka. Papa yozali malamu mingi mpona ngai. Lisekwa liabai bakenda ona elikia ya kosekwa. Ozali oyo mosusu azali teo. Liloba lya bomo ibipa inafandisa elikia. Papa yozali malamu mingi mpona ngai. Lisekwa liabai bakenda ona elikia ya kosekwa. Ozali nzambe ozana suka teo. Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia. Yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo. Mokeli monene ozambe na biso uza kosala. Ozali nzambe ozana suka teo. Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia. Yo simba nyoso na nguya ya liloba na yo. Mokeli monene uzambe na biso uza kosala.